السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، on va inshallah ta'ala essayer de voir يعني s'il y a le son sur l'insmic. Donc, en cette soirée du samedi 4 d'Ul-Hijja 1430, ce qui correspond au 21 novembre 2009, bi-idhnillahi azzawaj. Nous sommes toujours avec l'Aqida al-Wasitiya, le deuxième tome, cours numéro 48, bi-idhnillahi ta'ala. On va juste réviser un peu ce qu'on a dit la fois passée, puis inshallah ta'ala, on continue. Donc la fois passée, on avait dit, toujours en parlant de Ahl-Sunna ou Jama'a. Qu'est-ce qu'on a dit d'eux? On a dit وَيَرَوْنَ إِقَامَةِ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ مَعَ الْأُمَرَاءِ أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ فُجَّارًا. C'est-à-dire, toujours en parlant des gens, de la tradition et du consensus, on a dit qu'ils considèrent que l'on est tenu de s'acquitter du pèlerinage et du combat sur la voie d'Allah Ta'ala, le djihad, et d'assister aux prières du vendredi et des deux fêtes avec tous les gouverneurs, que ces derniers soient pieux ou pervers. Que ces derniers soient pieux ou pervers. Et bien sûr, si vous vous rappelez, on a cité, yani, par exemple, que dans la fitna de Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, quand on a voulu l'assassiner, et qu'après l'avoir encerclé, hein, les khawarij et les takfiris de nos jours, quand ils l'ont encerclé, alors certains sahaba yani lui ont dit maintenant, yani, puisque tu es encerclé, c'est toi d'habitude qui nous guidais, maintenant il y a un mubtadi' qui nous guide, c'est-à-dire un khariji, un takfiri de nos jours. Qu'est-ce qu'on fait? Il leur a dit, faites la prière en groupe derrière lui. Il a dit, faire la prière en groupe, c'est l'une yani, des choses que Allah Ta'ala yani, aime et préfère. Donc faites-la en groupe, même si c'est derrière ce mubtadi'. Pourquoi? Parce que faire la prière en groupe, en islam, c'est vraiment yani, important. Muhim que yani, le gouverneur ne soit pas kafir bi-idhni azza wa jalla. On avait cité aussi comment Abdullah ibn Omar, le fils de Omar al-Khattab, Abdullah qui s'appelait Abdullah, yani que vous devez tous savoir yani, combien il veillait, combien il était soucieux pour suivre la sunna du messager d'Allah, et pourtant celui-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait la prière derrière qui? Derrière Al-Hajjaj ibn Yusuf. Al-Hajjaj ibn Yusuf qui a tué combien? 124 000 des sahaba, des compagnons et de leurs enfants, les tabi'in. Il a tué 124 000 entre sahaba et tabi'in. Subhanallah al-Adim, il a tué. Yani, il s'est trompé sciemment. Il les a tués. Le hadith est authentique. Cheikh al-Albani, rahimahullah. Et malgré cela, Abdullah ibn Omar, qui connaît Allah et son prophète mieux que nous tous, et qui a plus de foi que mieux que nous tous, qui connaît le dîn mieux que nous tous, celui-là, subhanallah, qui est plus jaloux du dîn que nous tous, celui-là faisait la prière Derrière qui? Derrière Al-Hajjaj ibn Yusuf. Allahu Akbar. Et celui-là, c'est Abdullah ibn Mas'ud, le grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud. On m'a adraka minhu Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait la prière derrière Al-Walid ibn Uqba. Al-Walid ibn Uqba, Al-Walid ibn Uqba, qu'est-ce qu'il faisait? Il les guidait plusieurs fois en étant sous. Subhanallah al-Azim. Et une fois, il les a guidés, fi salat subh, il les a guidés en étant sous. Et il a fait quatre rak'at au lieu de deux. Et quand il a terminé, hein, il a fait salam, ensuite il voulait se moquer, il a dit salam alaykoum. Et on lui a dit tu as fait quatre. Il a dit imbad, vous voulez que je vous ajoute la cinquième? J'ajoute la cinquième. Et Abdullah ibn Mas'ud lui a dit ajoute si tu veux, on est derrière toi. Et notre parenthèse, c'est toi qui vas payer demain, pas nous. Ajoute. Mais allez, l'essentiel, c'est quoi? Yani, les savants ont dit regardez. Pourquoi? Parce que cette personne, bien sûr, avait la tutelle du qui? Du gouverneur. C'est quelqu'un qui est placé par le gouverneur pour guider les musulmans. Il a bu de l'alcool, il n'est pas encore kafir. Non. Bien sûr, Othman ibn Affan, après, quand il l'a su, il l'a quoi? Il l'a fouetté. Non. Mais regardez les sahabas, à quel point ils respectaient non, les hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait que quoi? Il disait que tant que le gouverneur n'est pas kafir, non, il faut faire la salat et le djihad derrière lui et aller au hajj derrière lui aussi. Et nous avons cité parmi les hadiths les plus importants en ce sens, lorsque le messager d'Allah a dit, Innakum sataruna ba'di athara. Il a dit, après moi, vous allez voir, yani, et trouver, découvrir, bien sûr, athara. Athara, c'est quoi? C'est l'accaparement. Accaparement. C'est-à-dire, vous allez voir que les gouverneurs vont s'accaparer des choses qui ne leur appartiennent pas. Vous prendre des biens, des terres, des villas, des palais, vous allez voir des accaparements après moi. Ou au moins, des choses qui ne vont pas vous plaire, yani, qui seront faites par les gouverneurs, bien sûr. Il a dit, on lui a dit, Fama ta'muruna ya Rasulullah. Qu'est-ce que tu nous ordonnes donc de faire, ya Rasulullah? Qu'est-ce qu'il a dit à Sallam? Addu ilayhim haqqahum. Donnez-leur leurs droits. Naam. Wa sallu Allah haqqakum. Et demandez à Allah Ta'ala vos droits. Il a dit à Allah et pas au gouverneur. Pourquoi? Parce qu'on a dit ici que ceux-là, yani, bien sûr, ils se sont accaparés tous les biens. Donc il ne va pas te donner ton haqq. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu prends le sabre et l'épée et tu vas aller te rebeller contre eux et déposer des bombes sous les bancs. C'est sous les ponts à fond et dans les sociétés, ou bien, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce qu'a dit le messager d'Allah, qu'est-ce que tu fais? Wasalullah, tu demandes à Allah, tu patientes et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner ton haqq. Naam. Et en fait, si on voulait savoir d'où sont venus ces gouverneurs qui sont injustes, d'où ils sont venus? Ils ont été placés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le qadar ou le qadar. Pourquoi? Parce que nous, on ne mérite pas, yani, qui sont mieux qu'eux. Naam. Si on était nous, Abu Bakr et Omar et Othman et Ali, Ibn Mas'ud et Abu Huraira, Ibn Omar et Omar, naam, on aurait peut-être mérité quelqu'un comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et regardez, les sahabas ont mérité Abu Bakr Siddiq, Allah Ta'ala leur a donné Abu Bakr. Mais nous, comme c'est cité dans un autre hadith authentique. Un autre hadith authentique où le messager d'Allah a dit, entre autres, dans ce hadith, il a dit, tant que yani, vous ne donnez pas la zakat et tant que vous vous volez dans le truc, dans le fait de, yani, dans la balance, etc., il a dit que Allah Ta'ala va quoi? Va yani, vous faire guider yani, dans la politique, yani, dans la gouvernance, il a dit par yani, des injustes, par des injustes. Taïb, je profite pour dire de l'occasion que, yani, j'espère que vous allez préparer vos questions dès maintenant, car vous connaissez maintenant la règle, naam, qui est quoi? Qu'on passe cinq à la fois. Donc, chacun, inshallah ta'ala, prépare ses questions, bi'idhnillahi azza wa jal. Et, naam, de toute façon, après, je vous citerai yani, la nouvelle réglementation. El Mouhim. Et il y a un autre hadith aussi du messager d'Allah, où il a cité que vont venir après lui des gens, il a dit, pas des gens, il a dit des gouverneurs. Des gouverneurs, il a dit qu'ils ne vont pas suivre ma sunna, ni mon sentier, mon chemin. Ensuite, il a dit que parmi ceux-là, il y aura des gens qui vont faire apparence. Que vont faire ces gens? Il a dit des gens dans des cœurs de shayatin. Fi qulubi shayatin. Des gens qui auront des cœurs de shayatin dans des quoi? Dans des corps d'êtres humains. Fi jutmani ins. Alors, Hudayfa a dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce que je vais faire donc? Quand ces gens vont venir, il a dit, le message-là lui répond, lui dit, tu les écoutes et tu leur obéis. Il a dit, tu écoutes le émir, le gouverneur, et tu lui obéis. Écoutez bien ce qu'il dit. Même s'il fouette ton dos, et s'il te prend tes biens. Donc on dit au takfiri, on dit au takfiri, et bien sûr le hadith se trouve dans Sahih Muslim, numéro 3435. On dit au takfiri, c'est pas la peine de chatouiller les sentiments et de dire aux gens, regardez le gouverneur, il est injuste, il a pris le bien de X, il l'a donné à son fils, il a pris Y, il n'a rien fait, il lui a fouetté son dos, il l'a mis en prison, ils ont fait ceci à nos soeurs, à nos femmes. Tout ça, c'est chatouiller les sentiments. Naam. Ça ne sert à rien de dire cela, car le messager d'Allah t'a dit quoi? Il a dit, tu obéis, et quoi? Tu écoutes et tu obéis. Il t'a dit, même s'il frappe ton dos, te fouette et te prend tes biens. Donc, c'était prévu, il y a des siècles et des siècles, que ça allait arriver, des choses comme ça allaient arriver, et il y a le comment faire, le médicament est déjà prêt, c'est quoi? C'est tesma, tu obéis, et quoi? Et tasbir, tu écoutes et tu obéis, et bien sûr, tu fais des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah azzawajal te fasse une issue. Non, te fasse une issue en te ramenant quelqu'un, inshallah ta'ala, qui gouvernerait mieux que cette personne. Non, al-muhim, ce qu'on va voir aujourd'hui, inshallah ta'ala, c'est la suite. Ensuite, Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah, a dit wa yuhafidhuna 'ala al-jama'at. Je répète, en parlant toujours des signes de Al-Sunna ou Al-Jama'a, car Al-Sunna ou Al-Jama'a sont des signes. Il faut avoir des critères pour être de Al-Sunna ou Al-Jama'a. Être salafi, être Al-Sunna ou Al-Jama'a, ce n'est pas seulement une phrase que. Qu'on aime dire facilement, ou bien c'est un pseudo, c'est un pseudo. Je vais dire Chalabi Salafi, Abu Abdullah Salafi, Om Fatiha Salafiya. Ça, Inch'Allah ta'ala, Inch'Allah ta'ala, c'est bien, mais Allah alam si on l'est ou on ne l'est pas. Pour savoir si on l'est ou on ne l'est pas, on voit les critères, quels sont les critères des salafs, et on voit si on les remplit, ou là, si on remplit beaucoup, ou là, si on est loin, vraiment loin, et on a seulement le pseudo. Donc, parmi ces critères, parmi les critères des salafis, qu'est-ce qu'ils font? Ils yuhafidhuna 'ala al-jama'at wa yadinuna bin-nasihati lil-umma. Yuhafidhuna 'ala al-jama'at, c'est-à-dire qu'ils veillent à prendre part à la prière en groupe et pratiquent le devoir de conseiller, c'est-à-dire la nasiha, et pratiquent le devoir de conseiller la communauté. Naam. Donc, vous voyez deux choses ici très importantes. Pour être parmi les salaf salaf, c'est quoi? Yuhafidhuna 'ala al-jama'at. Ils veillent à ce qu'ils fassent la prière en groupe. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, tellement ils veillent que ils faisaient la salat derrière qui? Derrière le Hajjaj ibn Yusuf, que beaucoup de Al-Sunna disent l'appellent le sanguinaire. Celui qui a tué 124 000 des compagnons de leurs enfants. Le sanguinaire, les sahaba faisaient la prière derrière lui. Et ils faisaient la prière derrière qui? Al-Walid ibn Uqba prenait de l'alcool et il venait les guider tout en étant saoul. Et il faisait la prière derrière lui. Subhanallah al-Azim. Al-Muhim, ça ne veut pas dire que s'ils font la prière derrière lui, qu'ils sont ravis de cette chose. Abadan. Dans leur cœur, ils n'aiment pas ça. Mais ils ne veulent pas enfreindre à qui? Aux ordres du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car en islam, ce n'est plus toi qui commandes, c'est Allah Ta'ala et son messager. Si tu veux que ce soit toi qui commandes, alors, et tu veux que tu fasses ce que tu veux, alors tu es obligé de quoi? De t'éloigner de l'islam. Tu ne peux pas en même temps choisir l'islam et en même temps, ce soit toi qui choisis ce que tu veux. Si tu as choisi l'islam, tu t'es soumis. Tu as dit, Ya Allah, Ya Allah, c'est vous qui allez me dire ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Lui directement ou bien par le biais de son messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muhim. Donc, yuhafidun al-jama'at, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah, dit, Ay yuhafidu ahlu sunnati wal jama'ati al-jama'at. Il a dit, c'est-à-dire que les gens de la sunna et du consensus veillent et sont soucieux pour faire la salat en groupe. Il a dit ici, Ay ala iqamati al-jama'ati fi salawati al-khams. Il a dit, c'est-à-dire de faire la salat en groupe, pendant les cinq prières. Bien sûr, il parle surtout des hommes, c'est-à-dire qui vont à la mosquée. Il a dit, yuhafidouna alayha muhafazatan tamma. Il a dit, il veille à elle, vraiment, pour la faire d'une façon parfaite. Bihaytu ida sami'u nida, de façon à, si jamais ils entendent l'adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ils entendent l'adhan, ajabu wa sallu ma'al muslimin. Vite, ils vont répondre au adhan et vont faire la prière avec les musulmans, c'est-à-dire où? Dans la mosquée. فمن لم يحافظ على الصلوات الخمس فقد فاته من صفات أهل السنة والجماعة ما فاته من هذه الجماعات. سبحان الله العظيم il a dit, et quiconque, n'est pas soucieux en ce qui concerne faire la salat en groupe, en ce qui concerne les cinq prières de la journée, il a dit, donc celui-là, il a perdu des critères de Ahl Sunnah ou Jama'a, comme il a perdu des salats qu'il vient de perdre. D'ailleurs, ici, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit, Man sami'a an-nida'a falam yujibhu, fala salata lahu illa min adhr. Vous connaissez ce hadith? Je pense que tout le monde le connaît. Quiconque entend an-nida' al-adhan, falam yujibhu, et lui répond pas, fala salata lahu. Il n'a pas de salat, il a min udhr, sauf s'il a une excuse. Il n'a pas de salat, sauf s'il a une excuse. Vous pouvez le trouver entre autres dans Mishkat al-Masabih de Sheikh al-Albani, rahimahullah, hadith numéro 1077. Donc c'est un hadith vraiment, qui menace pour les hommes. C'est un hadith, si je puis dire, qui menace. Pourquoi? Il a dit, si tu entends l'adhan, et tu n'as pas d'excuse, et que tu n'y vas pas, tu ne vas pas faire la prière en groupe, il a dit tu n'as pas de salat. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahou dit, « وربما يدخل في الجماعات الاجتماع على الرأي وعدم النزاع فيه. » Il a dit, ça rentre aussi dans le jama'at, yani les groupes, de ne pas diverger. Le fait de ne pas diverger. Il a dit, فإن هذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى حين بعثهما إلى اليمن. Il a dit, et c'est ce que le messager d'Allah a ordonné à qui? À Mu'ad ibn Jabal et aussi à Abu Huraira, Abu Musa al-Ash'ari, lorsqu'il les a envoyés vers le Yémen. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Yassira wa la tu'assira. Facilitez et ne compliquez pas les choses. Facilitez. Wa bashira wa la tunaffira. Et annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Wa tatawa'a wa la takhtalifa. Et convergez. Convergez et ne divergez pas. Convergez et ne divergez pas. Regardez, quand quelqu'un va faire la da'wa, le messager d'Allah l'envoyer faire la da'wa, quels sont les ordres qu'il lui donnait? Premier ordre, yassira wa la tu'assira. Facilitez et ne compliquez pas. Subhanallah. Surtout, surtout, je m'adresse à vous qui êtes en Europe, Nam, et qui beaucoup d'entre vous sont nouveaux et nouvelles. Et quand les gens sont nouveaux et nouvelles, Nam, subhanallah, c'est toujours comme ça, ils veulent toujours compliquer les choses. C'est-à-dire quand quelqu'un est nouveau dans le dîn ou la sœur nouvelle, Nam, quand elle commence elle-même à faire la da'wa aux autres, yani, elle ne facilite pas. Mais la plupart du temps, elle complique. Nam, elle dit non, c'est pas, si tu fais pas, c'est pas la peine. Nam, tu mets pas le djilbab, c'est pas la peine de prier. Et toi, si tu n'arrêtes pas la cigarette, c'est pas la peine de rentrer en islam ou de faire la prière. Et toi, si tu n'arrêtes pas la musique, c'est pas la peine. Et comme ça, ils compliquent aux gens et au lieu de les attirer doucement, doucement, ils les font fuir. L'autre, il va dire, moi, 40 ans là, je fais la musique. Celui-là, il me dit, tu arrêtes comme ça. L'autre, il dit, ça fait 30 ans que je bois de l'alcool. Celui-là, il me dit, il faut arrêter ou bien Allah ne va pas accepter ta salat. Etc. Il a peur. Il dit, donc, Allah, je ne peux pas, donc je continue comme ça. Même si je meurs comme ça, Allah, je ne peux pas. Non. Au lieu de lui ouvrir les portes, non, et de l'inviter jusqu'à ce que yani, lui-même, mashallah, sa foi grandit. Vous savez que plus on applique, plus notre foi grandit. Plus. Yani, on fait des choses nouvelles, on fait salat Doha, on jeûne lundi, jeudi, on prie la nuit, plus yani, notre foi grandit. Et la personne, plus sa foi grandit, plus elle commence quoi? À aimer Allah Ta'ala, bien sûr, et à délaisser le haram. Et toi, une personne qui, ça fait un mois, ou là, 2 mois, ou là, 3 mois seulement, qu'elle vient de faire la tawba ou bien qu'elle s'est reconvertie. Comment tu veux lui demander qu'elle fasse des choses, hein, qu'elle ne peut pas? Pourquoi elle ne peut pas? Parce qu'elle n'a pas encore la saveur de la foi, elle n'a pas halawa. Cette personne, elle est nouvelle. Qui va la pousser à ce qu'elle délaisse ce que tu veux qu'elle délaisse? Qui va la pousser? Ce n'est pas maintenant qu'elle peut délaisser. C'est lorsqu'elle aura la foi, masha'Allah, hein, elle sentira alors qu'elle est prête pour Allah Ta'ala et son prophète et cet islam de, même si c'était permis de se brûler vif, elle l'aurait fait, si c'était permis. Mais quand une personne est nouvelle, elle n'a pas cette foi qui va la pousser à accepter comme ça les choses facilement. Al-Mu'im, qu'est-ce qu'il leur a dit? Facilitez et ne compliquez pas. Et là, je vous ai toujours cité deux hadiths que chaque musulman devrait avoir entre ses yeux. Les deux hadiths, ils sont. Yani, chez Cheikh Al-Albani, rahimahullah, je vous les ai cités plusieurs fois. L'un des deux, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'une personne a dit au messager d'Allah, hein, je rentre en islam à condition que je ne fais que deux prières. Allahu Akbar, deux au lieu de cinq. Il a accepté, alayhi sallam. Mal, je fais deux. Et une tribu, des gens comme ça, sont venus lui ont dit, la tribu de Thaqif, lui ont dit, on rentre en islam, mais à condition qu'on ne donne pas la zakat et qu'on ne fasse pas le djihad. Regardez, la zakat, c'est quoi? La zakat, c'est un pilier de l'islam. Tu dis, il n'y a pas de zakat, c'est kafir. Mais ils n'ont pas dit, il n'y a pas de zakat. Ils ont dit, on ne la donne pas. C'est-à-dire, ils sont avares. Non, on ne donne pas la zakat, on ne va pas au djihad. Ça veut dire, on a peur de mourir. Qu'a dit, mais non. Il a dit, au sahaba, bien sûr, il a dit, ils vont, inchallah, donner la zakat et ils vont faire le djihad. Non. Quand est-ce? Ça veut dire, quand ils vont rentrer dans cet islam, ils vont embrasser cette religion, ils verront tellement cette religion est belle, tellement que toi-même, tu voudrais te sacrifier. Non seulement tu vas faire la zakat, mais tu vas faire même yani, des choses qui sont seulement surérogatoires. Tu voudrais les faire. Non. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit, alayhi sallam? Et à annoncer la bonne nouvelle et ne faites pas fuir. Non, annonce aux gens le maximum que tu puisses la bonne nouvelle. Non, et ne les fais pas fuir. Ne les fais pas fuir, car si en annonçant la bonne nouvelle et Allah Ta'ala veut de toi que tu sois un sebeb pour que les gens rentrent dans le dîn, sache alors que le contraire est aussi vrai. Alors, si jamais yani, tu es le sebeb pour que les gens fuient du dîn, ça veut dire que vraiment c'est grave pour toi, Yom al-Qiyamah. Non. Le dîn hada, c'est pas notre dîn, c'est celui d'Allah Azzawajal. Moi, qu'est-ce que je gagne quand je fais fuir les gens? Qu'est-ce que je gagne quand je dis aux gens, si tu fais ça, si ceci, si tu vas aller à Jahannam, ceci, cela, je lui fais peur, hein, et je le fais fuir, c'est pas peur. Si la peur il l'applique, c'est bien, mashallah, d'avoir peur. Mais je le fais fuir. Qu'est-ce que tu gagnes s'il fuit? Non. Il apostasie ou là, il rentre dans les autres sectes. Tu as perdu, au contraire. Tu as perdu un soldat musulman. Non. Ensuite, il a dit, Cheikh, rahimahullah, il a dit, Yedinouna. Ey, non. Lorsqu'il a dit, Yedinouna bin nasihati lil umma, il a dit, Ey, yeta'abbadouna lillah azzawajal bin nasihati lil umma. Il a dit, les gens de la sunna et du consensus, non seulement ils font des nasiha aux gens et à la communauté, mais encore ils font les nasiha, les conseils, ils donnent des conseils en quoi? Yani, dans le sens que yani, ils prennent ça comme adoration, c'est-à-dire ils font du fait de conseiller la communauté une adoration. Non. Pourquoi? Là, d'ailleurs, Cheikh va l'expliquer. Il a dit, parce qu'il est possible que quelqu'un donne des conseils, mais pas fisabilillah. D'ailleurs, le shaitan n'a-t-il pas donné des conseils à Adam alayhi salam? Il a même juré. Il leur a même juré que il était en train de leur donner des nasiha. À qui? Adam et Hawa. Donc, il est possible que quelqu'un fasse des nasiha, mais pas pour Allah Ta'ala. Il a dit, faqad yakunu al-hamilu 'ala al-ghayra. Des fois, quelqu'un donne une nasiha par jalousie. Non, par jalousie, il donne des nasiha. Il est jaloux de sa femme, là, il lui donne des nasiha. Waqad yakunu al-hamilu 'ala al-khawf min al-'uqubat. Ou bien, il donne des nasiha parce qu'il a peur, yani, yani, l'uqubat, des châtiments. Des châtiments. Non. وقد يكون الحامل عليه ان يتخلق بالاخلاق الفاضله التي يريد بها نفع المسلمين et des fois quelqu'un donne des nasiha pour que yani il paraisse que c'est quelqu'un qui a un bon comportement etc. Il a dit لكن mais اهل السنه والجماعه ينصحون للامه طاعه لله تعالى وتدين له mais il a dit des gens de اهل السنه والجماعه quand ils font des nasiha ils font ça comme adoration parce que الله تعالى leur a ordonné de faire la nasiha. Naam. Et le messager d'Allah, bien sûr, aussi, comme dans le hadith que vous connaissez tous, où le messager d'Allah a dit, Ad-dinu nasiha. Il a dit, la religion, c'est le conseil. Pourquoi il dit comme ça, dinu nasiha? Naam. Din nasiha. Mubtada khabar. Pourquoi il dit comme ça? C'est comme s'il disait, yani, vraiment le din, c'est nasiha, c'est pas autre chose. C'est comme on dit, le hajju arafa. Le hajju arafa. Alors que le hajj, c'est pas seulement arafa. C'est Minan, c'est Muzdalifa, c'est Kaaba, c'est Tawaf. Pourquoi il dit seulement Arafa? Ça veut dire le plus important qu'il y a dans le Hajj, c'est quoi? C'est Arafa. Le plus important qu'il y a dans le Dîn aussi, c'est quoi? C'est la Nasiha. S'il n'y a pas de Nasiha, il n'y a plus d'islam. Naam. Je vois des choses devant moi, je ne fais pas la Nasiha. Toi, tu ne fais pas, l'autre, il ne fait pas. Ikhlas. Yani, petit à petit, il n'y aura plus d'islam. Tayyib. Donc, lorsque le message d'Allah a dit Ad-dinu nasiha, ils ont dit Ya Rasulallah, Liman, pour qui yani, on fait cette nasiha? Tu nous as dit, la religion c'est une nasiha. Pour qui on fait la nasiha? Il a dit Lillah, pour Allah Ta'ala. Wali Kitabi, pour son livre. Wali Rasulih, pour son messager. Wali A'immati al-Muslimin, pour les dirigeants des musulmans. Naam. Wa'ammatihim, les dirigeants et les gouverneurs. Wa'ammatihim, et les gens de la masse, les gens du peuple. Hadith rapporté par Muslim dans Kitab al-Iman. Donc, yani, maintenant, inshallah ta'ala, on va expliquer ce hadith en donnant, bi'idhna ta'ala, certains détails, inshallah ta'ala, qui, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous soit utile. Tayyib. An-nasihatu, vous avez remarqué ici, le messager d'Allah a dit que la nasiha se divisait en cinq. Pour Allah, ensuite six livres, son livre, trois, son messager, quatre, les gouverneurs, cinq, les gens de la masse. Premièrement, la nasiha pour Allah Ta'ala. La nasiha pour Allah Azzawajal comprend deux choses importantes. La première, ikhlas ou l'ibadati lahu, C'est quoi la nasiha pour Allah? C'est pas Allah Ta'ala, on va lui donner des nasiha. On va donner des conseils à Allah Ta'ala. C'est pas ça. Naam. Donc c'est pour ça que le hadith va expliquer qu'est-ce que ça veut dire un nasiha à Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Donc la première nasiha, donc la nasiha à Allah Ta'ala comprend deux choses. La première, ikhlasu l'ibadati lahu. Tu dois être sincère quand tu adores Allah azzawajal. Si tu l'adores avec sincérité, tu as fait quoi? La première moitié de la nasiha pour Allah azzawajal. Naam. Et la deuxième, الشهادة له بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. La deuxième nasiha pour Allah Azza wa Jalla, c'est quoi? C'est le fait de témoigner, d'attester de son unicité dans la seigneurie, dans sa divinité et dans ses noms et ses attributs. Pourquoi ces quatre? Pourquoi il faut dans la seigneurie, dans la divinité, dans ses noms et dans les attributs? Parce que certains, comme les takfiris par exemple. Les takfiris, leur aqida, c'est quoi? C'est seulement en ce qui concerne quoi? En ce qui concerne, yani, le jugement d'Allah Ta'ala. Leur aqida, c'est seulement quoi? Mais croire au Ta'ut. Dire que tel gouverneur ne juge pas avec les lois d'Allah. Si tu arrives, pour les takfiris, si tu dis que tel gouverneur qui ne juge pas avec les lois d'Allah est kafir, ils te disent, Khlas, masha'Allah, tu as, inshallah ta'ala, ta place au paradis qui t'attend. Khlas, tu as dit que Bouteflika est kafir, et le Kadhafi est kafir, et je ne sais pas qui du Maroc est kafir. Alhamdulillah, alhamdulillah, si tu meurs demain, tu seras avec les messagers, les véridiques, et avec les martyrs. Khlas, tu as ta place au paradis. Alors que ce sont les gens les plus ignorants du monde, dans quoi? Dans le tawhid de la seigneurie, de la divinité, des noms et des attributs. Demandez à un tekfiri, dites-lui, est-ce que le Jalil, c'est un nom d'Allah ou là, c'est pas un nom? Je jure par le Jalil lui-même qu'il ne va pas te répondre, il ne sait pas. Et s'il te répond, il te répond faux. Et dites-lui, quelle est la différence entre la volonté juridique et universelle? Il ne pourra pas. Dites-lui, quelle est la différence entre les paroles universelles, les paroles universelles, les paroles juridiques d'Allah? Kalam al-kawni ou kalam al-shar'i? Il ne peut pas. Dites-lui des centaines de choses dans la aqida, jamais il ne pourra. Dites-lui comment on sait que telle chose c'est un attribut de l'entité et telle chose c'est un attribut de l'acte. Non, il ne peut pas savoir. Il n'a rien dans la aqida. Seulement X est kafir ou il n'est pas kafir, c'est tout. Alors que dire que X est kafir ou n'est pas kafir n'est jamais, jamais, jamais, jamais, jamais de notre ressort. Jamais. Il se base sur Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, dans Majmou' al-Fatawa, dit que ces choses, c'est du ressort des grands savants. Il a dit pas des savants, yani n'importe quel savant. Ahlul ikhtisas. Dans les savants, parmi les savants, il y a des savants spécialisés dans ce domaine qui peuvent dire X est kafir ou ne l'est pas. Vous allez maintenant dans un salon, vous trouvez Salah 19 ou la Bouroumeïssa, ou je ne sais pas qui est un gamin Bouroumeïssa de 18 ans. Qui peut-être ça fait 2 ou 3 mois, 4 mois qu'il a fait Tawba, il peut prendre des osmo. Et subhanallah, il te dit X est kafir et Y n'est pas kafir. X est kafir, Y n'est pas kafir. Allahu Akbar. Subhanallah. Ibn Taymiyyah, il dit les grands savants ne peuvent pas. Il faut qu'ils soient des spécialistes pour savoir vraiment yani, est-ce qu'il est kafir ou pas. Maintenant, tu trouves des gamins de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Qui n'a jamais appris l'arabe, qui a appris quelques mots d'arabe, ça fait quelques mois, il vient, il ouvre un salon, il dit X et Kefr. Ceux-là, vraiment, qu'est-ce qui les attend demain devant Allah subhanahu wa ta'ala? Car, comme disent les savants, si tu te trompes, je dis, tu te trompes, quelqu'un qui est Kefr, tu dis de lui, il est musulman. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que tu te trompes. Quelqu'un qui est musulman, tu dis de lui, il est kafir. Vraiment, vraiment. Grande différence, grande différence. Qu'est-ce qui les attend, ceux-là, qu'est-ce qui les attend demain lorsqu'ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir quoi? Pour avoir rendu tous les musulmans kuffar. Sauf eux. Non. Déjà, entre eux, vous savez qu'ils se kuffar. Vous avez entendu la fois passée, Abu Rumaysa, il dit que Salah 19 m'a kuffar. Entre eux, ils se font takfir. Non, subhanallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Deuxièmement, c'est quoi la nasiha pour le livre d'Allah Ta'ala? Car il a dit, la nasiha à Allah, ensuite la nasiha à son livre. Non, qala lillahi wa li kitabi. Ensuite, vient les rasoulis. C'est quoi la nasiha au livre d'Allah Azzawajal? La nasiha au livre d'Allah Azzawajal comprend quoi? Comprend, yani, au moins 1, 2, 3, 4, 5 choses, ou bien 6. Pour que tu fasses la nasiha au livre d'Allah Ta'ala, il faut que tu fasses 6 choses. La première, al-dhabbu anhu, bi-an yadhubba al-insanu anhu tahrif al-mubtidin, wa yubayna butlana tahrif man harrafa. Premièrement, il faut que, yani, par rapport au livre d'Allah Ta'ala qui est son Coran, il faut quoi? Il faut que, yani, tu éloignes de lui tout ce que, yani, les gens ont fait rentrer, yani, dans ce livre et qui n'existe pas. C'est-à-dire ce que les gens ont ajouté ou bien ce que les gens ont retranché de ce livre. Vous savez, le Coran, hein, yani, yani, tout le monde peut l'expliquer comme il veut lui. Non, je peux expliquer comme je veux le Coran. Pourquoi nous on dit, yani, minhaj as-salaf? Pourquoi on dit la compréhension des pieux prédécesseurs? Moi, je peux comprendre le verset comme je veux. Je peux le comprendre comme les Jahmites, comme les Mourdites, comme les Mu'tazila, comme les Tekfiri, comme les Khawarij, comme les chiites. Les chiites, ils te prennent n'importe quel verset. Regardez, par exemple, les chiites. Allah Ta'ala a dit, dans le dialogue entre Moussa, par exemple, et les gens de Ben Israël, Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Allah Ta'ala vous ordonne de dégorger une vache. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit Allah Ta'ala a ordonné à Moussa de dire à Ben Israël dégorger une vache. Les chiites, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Allah Ta'ala est en train de parler de Aïcha. C'est telle la vache. Il faut l'égorger. Elle a fait telle et telle chose. Subhanallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc vous voyez, un verset, yani, chacun l'explique comme il veut. Ça, c'est un exemple, yani, simple que j'ai donné. Le tekfiri va dire, Allah Ta'ala dit dans le Coran, en parlant de l'usure, وَمَنْ عَادَ فَأُولَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et quiconque fait encore l'usure, il est quoi? Il est éternel en enfer. Donc, faire l'usure, c'est quoi? C'est du kofr. Faire l'usure, c'est du kofr. Donc, c'est Allah Ta'ala qui a dit, quiconque refait, ça veut dire, il est éternel. Et nous avons dire non, ici quiconque fait ada, c'est-à-dire il va redire que c'est halal. Grande différence entre je dis le haram qu'il est halal et entre je fais le haram. Quand je le fais, je ne suis pas kafir. Mais quand je dis il est halal, ce kafir, ce kofr, non, ce haram, je dis il est halal, c'est ici que je suis devenu kafir. C'est pour ça que j'ai toujours donné l'exemple de si une femme disait il n'y a pas de voile en islam. Il n'y a pas. On lui montre le verset, il dit non. Il n'y a pas. Je ne reconnais pas. Elle est devenue kafira. Et si une personne dit na'am, Allah Ta'ala fait descendre le verset du voile. Mais moi, je suis faible. J'ai honte. Je suis complexé. Je n'ai pas le temps. Je suis ceci, je suis cela. Elle n'est pas kafira. Non, pourquoi? Parce qu'elle a reconnu qu'Allah Ta'ala a ordonné de le faire. Mais c'est elle qui ne le fait pas pour paresse, par ceci, par cela. Elle dit. Ça ne nous intéresse pas pourquoi elle ne l'a pas mis. L'essentiel, c'est quoi? Elle ne l'a pas renié. C'est pour ça que la première qui a dit non, il n'y a pas le voile, celle-là, même si elle le met, elle est kafira. Elle va mettre le djilbab et le sitar et les gants et elle va, si elle meurt éternelle, en enfer. Elle a appliqué quelque chose du Coran, mais elle a nié. Elle a dit non, il n'y a pas cela. Ça ne lui sert à rien de le mettre. Et l'autre qui ne l'a pas mis, mais en reconnaissant dans son cœur qu'elle a fait un grand péché, elle n'est pas kafira. Donc il y a une grande différence entre quoi? Entre ces deux choses. Al-Muhim. Si tu veux faire la nasiha au livre d'Allah Azzawajal, c'est que toi, tu dois défendre ce livre. Quiconque y ajoute une chose qui n'y est pas dans le livre, tu dois montrer que cette chose n'est pas vraie. Et quiconque essaie de retrancher une chose de ce livre, tu montres que une chose a été retranchée. Et ce n'est pas vrai. Bien sûr, les gens ne vont pas retrancher des versets. Ils vont quoi? Ils vont yani, falsifier le sens. Tahrif ou ta'wil et comme ça. Sauf les chiites, bien sûr. Les chiites disent que le Coran qu'on a entre nos mains, il est falsifié. Ils ont un grand savant chez eux qui s'appelle Tobrossi. qui a écrit un livre, Naam, dont le titre veut dire que le Coran est falsifié. Dans ce sens, l'ayat al-bayyinat, les signes évidents que le Coran était falsifié. Ils disent que notre vrai Coran se trouve chez le Mahdi qui s'est caché à Samouraï dans une cave. Que Allah Ta'ala les châtie. Deuxièmement, premièrement, donc défendre le Coran. Deuxièmement, tasdiq ou khabari tasdiq an jazi min lam yata fih. فلو كذب خبرا من اخبار الكتاب لم يكن ناصحا ومن شك فيه وتردد لم يكن ناصحا. Deuxièmement, la nasiha du Coran, c'est quoi? C'est de croire tout ce qui y est. Tout ce qui est dans le Coran, tu dis na'am, c'est vrai. Même si moi, je n'arrive pas à comprendre la sagesse. Mais je dis na'am, c'est vrai. Na'am. Tout ce qu'il y a dans le Coran, je dois quoi? Je dois y croire, même si je n'ai pas compris le sens ou je n'ai pas compris la sagesse. Non, je dis, c'est vrai ce qu'il y a. C'est pour ça qu'il a dit, quiconque dément une seule chose du Coran, celui-là, il n'a pas fait la nasiha au kitab. Il ne lui a pas fait la nasiha, parce qu'il devient kafir. Sauf s'il est quoi? S'il est djehel. S'il est djehel, un reconverti qui vient juste faire la tawba, ça fait un mois, ou là, il ne connaît rien du Coran. Celui-là, même s'il nie des choses, on ne va pas lui dire de lui, il est kafir. On va lui apprendre le dîme. On lui dit non, tu te trompes, regarde ce que Allah a dit, etc. Maintenant, s'il dit non, je renie, etc. Ça, c'est autre chose, bien sûr. Troisièmement, rentre dans la nasiha du livre d'Allah Azza wa Jal. Rentre quoi? Imtithalu awamiri. Le fait d'appliquer ses ordres. Fama warada fi kitabillahi min amrin, famtathilu. Fa'in lam tamtathil, lam takun nasihan lahu. Il a dit, chaque ordre qu'il y a dans le Coran, tu dois quoi? Tu dois l'appliquer. Si tu ne l'appliques pas, sans excuse valable, tu n'as pas fait la nasiha du Coran. Non. Tout ordre qu'il y a, bien sûr, l'ordre se divise en deux. Des fois, c'est obligatoire, des fois, c'est mustahab, c'est tout. On parle de l'obligatoire. Chaque chose obligatoire que Allah Ta'ala t'a ordonné de faire, tu dois la faire. Sauf quoi? Si l'insan a des excuses, s'il est malade, s'il est ceci, si c'est... Non. Quatrièmement, ijtinabu ma naha anhu. Rentre dans la nasiha du livre d'Allah Ta'ala. De quoi? Ijtinab. Yani de t'éloigner de tout ce que Allah Azza wa Jalla a interdit. Fa'idla lam taf'al, lam takun nasihan lahu. Si vraiment tu ne t'éloignes pas du haram, naam, ça veut dire que tu n'as pas fait la nasiha de ce livre. Cinquièmement, an tu'mina bi anna ma tadammanahu min al ahkami. هو خير الأحكام وأنه لا حكم أحسن من أحكام القرآن الكريم. Cinquièmement, tu dois croire et attester que tous les jugements qu'il y a dans le Coran sont les meilleurs jugements et que il n'y a aucun jugement mieux que le jugement du Coran. Non, il n'y a aucun jugement mieux que le jugement du Coran. Tout ce qu'il y a comme jugement dans le Coran, tu dois dire, naam, c'est yani, la perfection. Pourquoi? Car ce Coran a cette particularité qu'il ne vient pas d'un être humain. De qui vient le Coran? Subhanallah al-Azim. Il est descendu d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui l'a dit. Allah Azza wa Jal, c'est le plus parfait. Donc, son livre, c'est le plus parfait. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quoi? C'est de la perfection. C'est de la justice. C'est de la miséricorde. Même si pour toi, tu ne comprends pas. Tu dis comment Allah Ta'ala a dit qu'il faut couper la main du voleur. Oh, quelle barbarie. Je lui coupe la main mesquine, je le laisse comme ça. Subhanallah al-Azim, quelle barbarie. Et celui-là, je lui fouette son dos. Naam, je rends son dos plein de sang. Quelle barbarie. Oh, cet islam, l'islam permet de frapper la femme. Oh, quelle barbarie ce dîne, cette religion, quelle barbarie. Il frappe sa femme. Là, je dis, même si tu ne comprends pas pourquoi, tu dois dire quoi? Tu dois dire, Sami'na wa ta'na, je sais que les jugements d'Allah, ce sont les meilleurs. Que j'ai compris la sagesse ou pas. Si tu n'as pas compris, tu demandes aux savants. Dites-moi, s'il vous plaît, comment se fait-il que l'islam qui vient, qui descend, ce dîn qui descend du miséricordieux, du très miséricordieux, permette de couper la main. Réponse, Naam, ce dîn qui vient du très miséricordieux permet de couper la main, permet non seulement de fouetter, comme par exemple le fornicateur, mais encore, te demande d'assister lorsqu'on le fouette. Tu assistes. Naam, tu assistes, donc ça doit te faire plaisir quand on le fouette. Pourquoi? Justement, tu vas comprendre pourquoi. Parce que ce voleur, comment se fait-il que il t'a fait de la peine alors que, Naam, le voleur t'a fait de la peine et le volé ne t'a pas fait de la peine? Pourquoi tu ne parles pas de la personne qui a été volée, miskina, hein, qui travaille un mois du matin au soir et quand il est monté dans le bus, on lui a pris sa paye. Et il va rentrer chez lui en pleurant, et ses enfants qui l'attendent, il va rentrer les mains vides. Pourquoi il t'a pas fait de la peine celui-là? Pourquoi le voleur qui lui a pris les 500 ou les 1000 euros, celui-là, il t'a fait de la peine. Tu vois pas que c'est le contraire, c'est le monde à l'envers. Ensuite, ce voleur qui te fait toi de la peine, Nam. Est-ce que tu sais que si on coupait une main à un voleur, que plus jamais les gens ne voleront? Ça, tu le sais ou tu le sais pas? Est-ce que le voleur, quand tu lui coupes sa main, il va, il y a son voisin ou quelqu'un qui va le voir, ou tu le montres à la télé qu'on lui a coupé sa main. Est-ce que les gens vont avoir peur ou ne vont pas avoir peur? Ils vont mourir de peur. Nam. Mais le voleur, quand tu lui coupes pas sa main et tu le mets en prison, Nam, il va ressortir, il va revoler. À chaque fois, tu le jettes en prison, quand il sort, il revole. Tu le jettes en prison, quand il sort, il revole, et la même chose. Nam. C'est pas là. Vous voyez pas que c'est pas de l'injustice, c'est pas rien de l'injustice que quelqu'un tue. Il ôte la vie de quelqu'un. Et yani, on va l'emprisonner pour quelques années. Vous voyez que c'est juste, par exemple, ce qui s'est passé dernièrement quand un Allemand d'origine russe, un khabith, un shaitan, a tué une Égyptienne en plein quoi? En plein, comment ça s'appelle ça? En plein tribunal. Sentence quoi? 15 ans de prison. 15 ans, c'est suffisant? Dites-moi, 15 ans, c'est suffisant? Ensuite, il va sortir et pendant ces 15 ans, il mange, il boit, il dort, il boit la télé, il boit de la bière à la prison. Ensuite, yani, il sort et il fait ce qu'il veut. Ça, c'est de la justice. Ça, c'est de la justice. La justice, c'est quoi? C'est il l'a tué, il doit être tué. C'est ça, la justice. Sauf si quoi? Si les parents du défunt, yani, acceptent. Ils disent, on ne le tue pas. Et malgré cela, les savants disent, même si les parents du défunt, yani, se désistent et disent, on ne veut pas le tuer, malgré cela, le gouverneur a le droit de le tuer s'il voit que il mérite. S'il voit que s'il ne le tue pas, les gens vont continuer à tuer les gens, à assassiner. Il dit, je le tue, je le tue. Malgré que si les parents du défunt n'acceptent pas. Comme je disais tout à l'heure, et ensuite le voleur, l'islam, quand il t'a dit, lui coupe la main. Yani, n'importe quel voleur, il faut que ça dépasse combien? Ça dépasse un quart d'or, rob dinar, un quart de dinar d'or, un quart de dinar. Il faut qu'il soit âgé, c'est pas un enfant. Non, il faut qu'il soit dans le besoin. C'est pas, il faut pas qu'il soit dans le besoin. Non, on va pas couper la main à quelqu'un qui a volé pour manger, qui a volé pour acheter le lait à ses enfants, parce qu'il travaille pas. C'est pas celui-là. Non. C'est pour ça que il y a un hadith qui dit qu'il est interdit de couper les mains pendant les batailles, quand on va au djihad, etc. Non. Al-Muhim. Ce que je voulais dire, c'était quoi? C'est qu'en islam, cher, non, et partout, aux États-Unis, il y a, j'ai lu une fois, ils disent il y a un meurtre toutes les 3 secondes. Tu comptes, toi, tu dis 1, 2, 3, il y a quelqu'un qui est mort. 1, 2, 3, il y a quelqu'un qu'on vient d'assassiner. 1, 2, 3, il y a une femme qu'on vient de poignarder. 1, 2, 3, il y a quelqu'un qu'on vient de. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui a fait. Subhanallah al-Azim. Ça, d'où ils veulent nous montrer, yani, ils veulent nous. Ils disent l'islam frappe la femme. L'islam frappe la femme. Dites-moi, est-ce que vous connaissez un pays où on frappe les femmes et on les bat plus que les États-Unis? Dites-moi. Ils ont fait des statistiques. La femme la plus battue dans le monde, c'est l'américaine. La plus battue. Subhanallah, la plus battue. Et malgré cela, jamais le messager d'Allah n'a levé un doigt sur une de ces femmes. Allahu Akbar. Jamais le messager d'Allah, avec la permission de frapper la femme quand elle remplit les conditions du frappement, malgré cela, le messager d'Allah n'a jamais levé le petit doigt sur une de ces femmes. Et comme j'ai dit toujours, qu'est-ce que j'ai dit la fois passée? J'ai dit, regardez, quand on a appliqué l'islam, en combien? En 30 ans de califat. En 30 ans. Combien de mains on a coupé? Combien de mains on a coupé? 5 mains. 5 mains en 30 ans. 30 divisé par 5, 6. Ça veut dire, tous les 6 ans, il y a une personne qui vole. En islam, tous les 6 ans, une personne vole dans le monde. Allahu Akbar. L'islam. Allahu Akbar. L'islam. Al-Muhim. Il a dit, sixièmement, أن تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل حروفه ومعناه نعم تكلم به حقيقة وتلقاه جبريل من الله عز وجل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين Sixièmement, rentre dans la nasiha du livre d'Allah عز وجل rentre quoi? Le fait que tu crois que ce Coran hein, soit descendu d'Allah Azza wa Jal et que c'est la parole d'Allah Ta'ala. Urufuhu, ses lettres et son sens. Takillama bi haqiqatan. Allah Ta'ala a parlé de ce Coran en vérité. Naam. Ensuite, Jibril l'a fait descendre sur le cœur du messager d'Allah, alayhi salam. C'est très important ici, ce qu'a dit le Cheikh rahimahullah. Pourquoi? Parce que certaines personnes, par exemple, ne savent pas si le Coran, yani, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la parole d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la parole. C'est pour ça que les savants ont toujours dit que, par exemple, le Coran n'a pas été créé. Non. Vous connaissez la grande fitna qui est arrivée à Ahmed ibn Hanbal. Naam, quand il vivait avec les Mu'tazila, naam, avec l'Ouathiq et les autres, et comment que, yani, ils l'ont forcé à ce qu'ils disent que le Coran a été créé. Si tu dis que le Coran est créé, ça veut dire quoi? C'est comme tu vas dire que Allah Ta'ala donc a été créé. Naam, mais tu vas dire les mains d'Allah ont été créées, alors que c'est lui le créateur. Allah Ta'ala a parlé avec ce Coran, il a parlé. Il a dit, Cheikh ici, les lettres et quoi? Et aussi le sens. Mais rentre aussi les lettres. Pourquoi on dit comme ça? Pour nous différencier des Mu'tazilites qui disent par exemple que le Coran a été créé. Ils disent, le Coran, Allah Ta'ala, ne c'est pas une parole. Yani comme nous maintenant, on est en train de parler, Allah a parlé. Ils ont dit non, Allah Ta'ala a créé ça, hein, il l'a fait descendre dans qui? Dans un arbre. Dans un arbre. Vous savez, à l'intérieur de l'arbre. Ensuite, Jibril alayhi salam est allé et a écouté de cet arbre, il a pris le Coran. Naam. Ou bien, par exemple, les Asha'ira, qui disent que le Coran est Ibara. Ils disent le Coran, ce n'est pas la parole d'Allah Azza wa Jalla. C'est, yani, disons, son sens. C'est seulement son sens. Naam. Ou bien le Kullabiya. Naam. Qui disent que c'est Hikaya. Hikaya. C'est un résumé, disons. Ce n'est pas la parole d'Allah Ta'ala. Alors que nous, on dit non. On dit, yani, lorsque Allah Ta'ala a dit, par exemple, dans Sourate Fatiha, il a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il a dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Ta'ala a dit, Alhamdou, comme ça, Alhamdou lillahi. Ensuite, il a dit Rabbi al-alamina. Et Jibril a entendu Allah Ta'ala dire, sans le voir, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Comme ça, avec les lettres que je suis en train de vous dire maintenant en arabe. Comme ça, on l'a entendu Jibril alayhi salam. Parce que les autres disent non. Disent la parole d'Allah Ta'ala. Yani, si c'est la parole en arabe, ça devient du Coran. Si c'est une parole en hébreu, ça devient Torah. Si c'est en latin, ça devient l'évangile. Et comme ça, nous on dit non. Ça, c'est pas vrai. Allah Ta'ala, ce qu'il y a dans le Coran, l'a dit avec ses lettres et avec quoi? Et avec son sens. Et avec son sens. Non. De toute façon, yani, ce qu'on a dit sur la parole d'Allah Azzawajal, c'est des cours et des cours. Vous pouvez, inshallah Ta'ala, revenir dans yani, la Aqidah pour, yani, inshallah Ta'ala, entendre cela. Ensuite, il y a quoi? Il y a la nasiha au messager d'Allah, hein, des rasoulis. Ensuite, il y a la nasiha qui au gouverneur et la nasiha aux gens du peuple et aux gens de la masse. On va laisser ça, Inch'Allah Ta'ala, pour le prochain dars, bi'idhnillah Ta'ala. Ce sera très important le prochain dars sur la Aqidah qui parlera sur yani, la nasiha des gouverneurs et comment elles sont au général, comment qu'ils font. La nasiha au gouverneur bi'idhnillah ta'ala. Avant qu'on passe aux questions-réponses, Inch'Allah ta'ala, je rappelle la réglementation nouvelle. Inch'Allah ta'ala. Non. Donc, on va lire cinq questions à la fois et répondre aux cinq questions pour passer aux cinq autres. À chaque fois qu'une personne voit que je lui ai répondu, Inch'Allah ta'ala, qu'elle descende d'elle-même la main. Sans qu'on soit, Inch'Allah Ta'ala, sans que les admins ne soient forcés à lui descendre sa main. Pour qu'on sache le classement. Bien, maintenant, qui, c'est le tour de qui? Bi'idhnillah Ta'ala. Naam. Ensuite, autre chose. Si une personne pose une question et que je n'ai pas de réponse. Car il y a plusieurs questions que je ne connais pas la réponse. Dans ce cas, yani, elle a le droit de reposer une autre question. Elle a le droit de reposer une autre question, bi'idhnillahi ta'ala. Voyez, on se rencontre, inshallah ta'ala, dans quelques temps. Subhanakallahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le son est clair, inshallah. Alhamdulillah. Donc, je vais lire les trois premières questions du Pal Talk. Assalamu alaikum. Donc, la question de Afikma 31. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Il y a une sœur qui va peut-être me rendre visite samedi prochain, inshallah. Son cas est très grave, Yachir. Son mari ne croit plus à Allah subhanahu wa ta'ala et ne croit qu'en la science. Pourtant, il est né musulman et a grandi au sein d'une famille pratiquante et lui-même était pratiquant et a appris le Coran. Non seulement il est dans le kufr, mais le pire, c'est qu'il interdit formellement à cette sœur, qui est sa femme, de pratiquer et lui interdit aussi de parler d'Allah. Il lui dit que si elle fait la prière, le ramadan, etc., alors il la divorcera. Lorsqu'ils ont eu un enfant, il lui a interdit de lui donner un prénom musulman, subhanallah. Elle ne l'a jamais dit à son père qui vit actuellement en Algérie. Elle ne veut pas divorcer car elle craint de retourner au bled et parce qu'elle aime son mari. Que dois-je lui conseiller? Barakallahu fikoum ya cheikh et qu'Allah vous guérisse et vous purifie. Amen. Question de Abou Suleiman 13. Salam alaykoum cheikh, qu'Allah vous récompense pour vos efforts et votre aide et qu'Allah vous ressuscite parmi les prophètes, les véridiques et les martyrs. Amen. Voici ma question. Ma nièce est une jeune femme active qui travaille et qui fait la prière à l'Alhamdoulilah. Le problème, c'est qu'elle fait la salat sobh avant de partir au travail, mais le reste des prières, elle ne peut pas les faire car elle travaille dans un bureau. Alors, en rentrant le soir, après le boulot, elle rattrape toutes ses prières manquées. Salat al-Zuhur, al-Asr, al-Maghrib et al-Isha. Quel est le jugement de l'islam sur cette action? Est-ce que ses prières sont acceptées lorsqu'elle les rattrape le soir? Et que doit-elle faire pour remédier à ses soucis? Pouvez-vous la conseiller au mieux? Barakallahu fikoum. Question de Wal Asr. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Est-ce que l'on doit jeûner pour la salat al-Aïd et manger seulement après la prière? Est-ce une obligation ou une sunna? Barakallahu fikoum, cher. Qu'Allah vous récompense. Amin. Donc on passe sur le InSpeak. C'est la question de Abouzak 45. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Voici la question. Concernant l'enfer, je pensais qu'il y avait unanimité des ulama au sujet de son éternité. Or, certains avancent que le cheikh Ibn Taymiyyah, rahmahullah, aurait dit, ainsi que son élève Ibn al-Qayyim, rahmahullah, qu'il y avait une fin. Bien entendu, certains groupes se servent de cela contre Ahlus Sunnah wal Jama'a, et d'autres, entre parenthèses, non salafiyoun, suivent cet avis. Qu'en est-il exactement? Barakallahu fikoum, cheikh, qu'Allah vous accorde le succès, ainsi qu'à nous tous. Amin. Question de Salafia 9, que je n'ai pas reçue. Donc, on passe au suivant. Oumoukassim. Donc, pas de question non plus. Question suivante. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikoum, qu'Allah vous récompense ici-bas et dans l'au-delà. Pouvez-vous revenir sur la volonté juridique et universelle? Barakallahu fikoum, qu'Allah vous guérisse. Amin. Tfadal, cheikh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ الحمد لله. Is your name speak؟ الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Pour la sœur qui dit que son mari يعني ne croit plus en Allah et croit en la science, etc., qui lui est interdit de faire la prière ou de jeûner ou de je ne sais pas quoi. Et qui avance comme cause qu'elle ne peut pas divorcer parce qu'elle a peur de revenir au pays où laquelle aimait ou là. La réponse, à partir du moment où il ne croit plus en Allah Azzawajal, elle est quoi? Elle est séparée de lui, qu'elle le veuille ou pas. À partir du moment où il dit je ne crois plus en Allah Ta'ala ou son messager, mais je ne crois plus en Islam ou là, en enfer ou là, à partir de ce moment, elle est rentrée déjà dans sa période de viduité. Elle est dans la période de viduité. Quand sa période de viduité, voilà, son mariage devient caduc. Quand la période de viduité est terminée, s'il revient vers Allah Ta'ala, il est toujours son mari, il n'a pas besoin de renouveler le acte de mariage. S'il ne revient pas, classe. C'est terminé entre eux. Et à partir du moment où il a dit cette phrase qu'il ne croyait plus, etc., quoi? Yani, il ne peut plus l'approcher. Et quand elle dit que j'aime beaucoup mon mari, on va lui dire, il faut aimer Allah Ta'ala plus que ton mari. Il faut aimer Allah Ta'ala plus que ton mari, ton père, tes enfants et toi-même et tes tentations. C'est ça, l'amour d'Allah Azzawajal. Naam. Et bien sûr, avant qu'elle fasse tout cela, naam, elle doit quoi? Elle doit, yani, comme disent les ulama, par exemple, en islam, c'est le juge musulman qui va, yani, istitaba 3 jours. Il va lui donner 3 jours pour qu'il réfléchisse, etc. Et il revienne. Donc, maintenant, il n'y a pas de juge, etc. Donc, normalement, elle fait venir sa famille ou là, ou la imam ou là, pour qu'il lui dise. Il lui dise, voilà, etc. Tu as devant toi, yani, 3 jours là pour réfléchir. Ou bien elle le lui dit elle-même. Et on lui dit aussi autre chose. Non? Subhanallah, normalement elle-même, elle aurait quoi? Elle aurait yani, voulu se séparer. Pourquoi? Parce que c'est ça, aimer en Allah. Aimer en Allah, c'est aussi haïr en Allah. Tu aimes en Allah et aussi tu haïs en Allah. Comment se fait-il que tu aimes quelqu'un qui soit devenu kafir? Comment se fait-il? Ça ne marche pas avec ta foi. Non. Donc voilà, inshallah ta'ala, le jugement en ce qui concerne cette sœur Bidna ta'ala. Il faut lui dire que même si elle veut pas que le mariage ne soit plus valable, c'est pas elle qui commande. C'est Allah Ta'ala qui commande. C'est Allah Ta'ala qui dit ce mariage est halal, mais ce mariage est haram, il n'est pas valide. Et je vous ai dit ce que dit l'islam si l'un des conjoints quoi rentre dans le yani s'apostasie. Tayeb, quant à la nièce qui fait salat sobh et qui rattrape c'est salat le soir. Je voudrais lui dire que elle fait un grand péché. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala nous a demandé de prier à l'heure. Si on n'a pas le wudu, on prie avec le tayammum. Si on n'a pas de vêtements, on prie nu. Si on ne peut pas se mettre debout, on prie assis. Si on ne connaît pas la Qibla, on prie même yani sans connaître le yani vers n'importe quel côté. Et comme ça. Donc, cette sœur devrait quoi? Devrait faire son possible pour qu'elle fasse chaque salat en son heure, chaque salat, quitte à la faire assise, quitte à la faire assise dans le bureau avec seulement quoi? Yani, avec seulement des hochements de la tête, avec seulement des hochements de la tête. Ensuite, chaque sœur qui travaille devrait faire yani, beaucoup d'efforts pour trouver un petit coin où faire la salat, même en cachette, même si c'est dans la salle de bain par exemple. Non, en cachette, elle s'enferme 5 minutes et elle fait sa salat. En ce qui concerne la troisième, qui dit que c'est quoi la sunna pendant l'Aïd, la sunna pendant l'Aïd, c'est yani, pour l'homme, celui qui va égorger, c'est de jeûner jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que lorsque il a égorgé, il mange de sa viande. Lorsque il a égorgé, il mange de sa viande. Et Cheikh Ibn Outhaymeen a dit, certains savants ont dit que la meilleure viande dont on doit manger, il a dit, c'est le kibda, c'est le foie. Non. Mais il n'y a rien d'authentique en ce sens. Il n'y a rien d'authentique. Donc c'est seulement sunna, c'est-à-dire que si quelqu'un veut manger avant l'égorgement du mouton, il peut. Surtout si c'est une femme ou là, elle veut manger ou là, boire le café ou là. Il n'y a aucun problème, Inch'Allah ta'ala. En ce qui concerne l'éternité et l'enfer, je voudrais dire que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, sah, il a dit ça, et Ibn al-Qayyim sah aussi a dit ça, mais ce qu'il faut noter, c'est que Ibn Taymiyyah a un livre, il a écrit un livre spécialement, pourquoi? Pour critiquer ceux qui disent que l'enfer, yani, a une fin, prendra une fin. Donc, si on dit que Ibn Taymiyyah dit que l'enfer se terminait, il faut pas, yani, il faut être juste, il faut dire. Et il a dit aussi, il a écrit une œuvre, une lettre où il a critiqué ceux qui disent que l'enfer se terminait. Donc, puisque maintenant on ne sait pas, yani, est-ce qu'il a commencé par le livre où il a critiqué? Ensuite, il a dit que l'enfer avait une fin, donc il s'est rétracté, ou bien c'est le contraire, ou bien peut-être lorsqu'il était jeune, c'est ce que je pense moi, lorsqu'il était jeune, nouveau peut-être, hein, il a dit que j'ai des délits, que l'enfer allait se terminer. Ensuite, il s'est rétracté, il a écrit un livre où il dit que yani, l'enfer ne se terminera jamais, il a même critiqué ceux qui disent qu'il se termine. Hein. Quant à la différence entre la volonté juridique et la volonté universelle, hein? La volonté juridique, c'est ce que Allah Ta'ala aime. Non. Par exemple, il veut qu'on fasse la prière, il veut qu'on aille au Hajj, il veut qu'on fasse le Siyam. Et comme ça s'appelle volonté juridique. Quant à la volonté universelle, c'est ce qui a rapport à ce qui se passe dans cet univers. Il veut, il a créé Iblis. Non, il a voulu créer Iblis. Il a voulu que tel voleur vole. Il a voulu que telle personne s'apostasie. Il a voulu que telle personne boive de l'alcool. Il a voulu que telle personne yani, s'habille, marche dans la rue. Et comme ça, tout ce qui se passe dans cet univers rentre dans quoi? Rentre dans la volonté universelle. Car, comme disent Ahl Sunnah, tout ce que veut Allah Ta'ala, il faut qu'il soit. Et tout ce qui se produit sur cet univers ne peut se produire qu'avec la volonté d'Allah Ta'ala. Sinon, on va dire que sur cet univers ou là dans cet univers, il se produit des choses que Allah Ta'ala ne veut pas. Ce n'est pas possible. Tout ce qui se passe sur cet univers a été voulu par Allah. Si c'est quelque chose de bien, c'est une volonté juridique. Si c'est quelque chose de mal et que Allah Ta'ala n'aime pas, c'est une volonté universelle. C'est pour ça que, pour faire la différence entre les deux, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ce que Allah Ta'ala veut, c'est la volonté, et ce que Allah Ta'ala aime, ça fait partie de la volonté juridique. Et deuxièmement, et quant à la volonté universelle, ça rentre dans l'intérieur, même ce que Allah Ta'ala n'aime pas. Et la deuxième différence, c'est que ce que Allah Ta'ala veut, il est possible qu'il ne soit pas ce qu'il veut et en est juridiquement. Ce que Allah Ta'ala veut d'une volonté juridique, il est possible que yani, il ne le crée pas. Mais ce que Allah Ta'ala veut d'une volonté universelle, il le crée toujours. Je donne un exemple. Par exemple, Allah Ta'ala veut que tous les gens, toutes les créatures, deviennent musulmans. Mais est-ce que tout le monde est musulman? Non. Donc Allah Ta'ala, il veut que les gens soient musulmans avec quelle volonté? Universelle ou juridique? Juridique. Non, car si c'était universel, nous tous en serions devenus musulmans. Parce que tout ce qu'il veut universellement, il arrive. Mais ce qu'il veut, yani, juridiquement, des fois ça arrive, des fois ça n'arrive pas. Je donne l'exemple de Iblis, Iblis le shaitan. Il existe, ça. Donc, Allah Ta'ala l'a voulu, il existe. Est-ce qu'il l'a voulu d'une volonté juridique ou universelle? Il l'a voulu d'une volonté universelle, parce que Allah Ta'ala n'aime pas Iblis et n'aime pas yani, le mal qu'il fait, etc. Non. Maintenant, si je devais donner des exemples comme ça, clair, yani, si je prenais un exemple, je vais dire, par exemple, non, car les deux volontés universelles et juridiques, des fois, elles se regroupent et des fois, elles ne se regroupent pas. Regardez, par exemple, Abu Bakr Siddiq, c'est un exemple que j'ai donné, hein. Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu. Non. C'est qui? C'est quelqu'un de croyant. C'est le véridique. Non. Donc, quelle volonté il y a en lui? Il y a le fait que yani, il soit croyant, il a vécu tant d'années, 63 ans, yani, il était croyant, etc. Ça, c'est la volonté universelle. Parce que une chose qui est arrivée, qui a eu lieu sur cet univers. Mais en même temps, c'est une volonté juridique, parce que Allah Ta'ala aime yani, la croyance, aime la foi, aime la véracité yani, qu'avait Abu Bakr Siddiq. Donc Abu Bakr Siddiq a joué entre les deux. La volonté universelle, ce qu'il y avait de bien en lui, et la volonté yani, juridique, ce qu'il y avait de bien en lui, et universelle, le fait que cette chose ait eu lieu. Car comme je vous ai dit, il est possible que Allah Ta'ala aime une chose et qu'elle n'ait pas lieu. Par exemple, Abu Jahl. Prenons le kofr, la mécréance de Abu Jahl. Taïb, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a comme volonté dans le kofr de Abu Jahl? Il y a quoi? Il y a seulement une volonté universelle. Il y a seulement une volonté universelle. Pourquoi? Pourquoi il y a une volonté universelle? Parce que Allah Ta'ala n'aime pas le kofr de Abu Jahl. Mais il l'a voulu. Il a voulu de quelle volonté? Universelle. Ce n'est pas juridique, car Allah Ta'ala n'aime pas le kofr. Donc il l'a voulu d'une volonté universelle. Prenons par exemple maintenant le kofr de Abu Bakr. Abu Bakr n'est pas kafir, ça. Si on pensait à son kofr qui n'a pas eu lieu, donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, en ce qui concerne le kofr de Abu Bakr, il n'y a pas les deux volontés. Il n'y a pas la volonté juridique. Car Allah Ta'ala n'aime pas que Abu Bakr devienne kafir. Il n'aime pas le kofr en général. Et il n'y a pas la volonté universelle. Car Abu Bakr, yani, il n'est pas devenu kafir. Non. Et si on prend maintenant, quatrièmement, on va prendre la foi de Abu Jahl. Abu Jahl n'a jamais été croyant. Non. Et si on supposait, Farah, on parlait de sa foi. Qu'est-ce qu'il y a dans la foi de Abu Jahl? Il y a la volonté juridique. Allah Ta'ala veut que Abu Jahl, par exemple, devienne musulman. Mais il n'y a pas la volonté universelle, la preuve, il n'est pas devenu musulman. Donc il y a en lui seulement la volonté juridique. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, en ce qui concerne ces cinq premières questions, Allah Ta'ala a'lam. Fadla le suivant. Salam alaikum, cher. C'est Abou Marwan. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails à propos de la sunna de l'Aïd? Parce que vous avez répondu à la question 3 à propos de la sunna de l'Aïd. Et comme vous savez qu'en France, nous, on n'a pas d'abattoir et qu'il ne nous est pas possible de pratiquer la sunna du sacrifice du mouton de nos propres mains. Il y a beaucoup de musulmans et de musulmanes qui m'ont demandé de vous demander, est-ce que c'est valable s'ils font comme la plupart ils font maintenant, on se rend dans un abattoir, on paye la bête, ensuite c'est l'abattoir qui font le sacrifice, c'est l'abattoir qui découpe la bête, et puis on charge la viande dans le coffre et on rentre chez nous et on fait l'Eid. Est-ce que ceci c'est correct? Est-ce que ceci c'est valable? Barakallahu fikoum cheikh. Oui, mais avant tout cela, déjà, je crois que celui qui a lu les questions, je crois qu'il a omis une chose, c'est que quoi? C'est qu'il a parlé de la sunna de l'Aïd, alors qu'aujourd'hui, normalement, c'est les questions sur la Aqida et la Salat, et le Minhaj, le Mouhim. Pour Salat l'Aïd, bien sûr, si on va à l'abattoir, et que quelqu'un, on lui donne la tutelle, lui dit, fait, yani, égorge à notre place, et ensuite il l'égorge, et nous on assiste, ensuite il nous le donne, et on le prend à la maison. Inch'Allah ta'ala, il n'y a aucun problème. Non, mais c'est comme ça qu'on fait, puisque c'est interdit à la maison. Non. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, cher, justement, j'avais fait très attention à la question par rapport à la personne qui me l'a posée. La question, c'est est-ce que l'on doit jeûner pour se rendre à la salat al-Eid? C'est pour ça que ça rentrait plutôt dans la salat et que c'était pas pour le Eid en général. C'était juste pour la salat al-Eid. Khair, inshallah. Donc, j'ai eu la question de Oumou Imran. C'est pour pas que les autres pensent que j'ai passé une question sur le aide et j'ai privilégié quelqu'un d'autre. Question de Oumou Imran. Salam alaikum. Voici la question d'une sœur. En ce moment, je pense beaucoup à la mort. Ça me déstabilise un peu, car je ne sais pas par quoi commencer. Faut-il vraiment connaître beaucoup sur la religion par cœur pour passer à autre chose? Je veux avoir quelques conseils concernant le cheminement à prendre pour un avancement doucement, mais sûrement, Inch'Allah, Barakallahu Fikoum, qu'Allah vous récompense, ainsi que les admins. Amin. Question de Abou Hassim. Salam alaikum, hayakum Allah. Frère est parfois en déplacement avec sa femme, dans une ville voisine de chez lui. Il fait des achats, etc. Lorsque l'heure de la prière arrive, le frère peut aller dans une mosquée, où il n'y a pas de salle de prière pour femmes. Entre parenthèses, donc le frère doit aller à la mosquée quand même. Et sa femme, attends. Donc là, c'est la question. Donc est-ce que le frère doit aller à la mosquée quand même et sa femme l'attend? Ou alors il est mieux que le frère fasse la prière avec sa femme dans un endroit discret? Ou alors peut-il finir ses achats et en rentrant chez lui, avant la prochaine prière, il rattrape sa prière? Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que le Très-Haut vous préserve, cher. Une sœur est gravement malade, car elle est possédée par un djinn et n'arrive pas toujours à faire ses salats. Parfois, elle les fait assise ou allongée, et parfois, comme elle le peut. Des fois, elle a tellement mal qu'elle ne prie qu'une salate sur les cinq. Entre parenthèses, mais pas toujours. Et elle sent vraiment que le djinn veut l'empêcher de faire salate, et ce, malgré tous les efforts, ça lui brûle le corps. Dès qu'elle rentre en salate, elle ne peut plus bouger, etc. Cela fait environ 6 ans que cela dure, malgré les nombreuses ruqya, mais elle ne perd pas l'espoir par le tout miséricordieux. Alhamdulillah. Elle souhaiterait savoir si elle doit rattraper ses salats manqués, se sentira mieux. Donc on passe sur le InSpeak, Inch'Allah. Donc, question de Qasim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khayran pour les cours que vous nous donnez, ainsi que votre temps. Une jeune fille célibataire habite chez ses parents. Elle considère. Donc, les questions, c'est uniquement sur la aqida, le minhaj ou la salat, inshallah. Donc, Barakallahu fikoum de changer la question, de la reformuler, inshallah. Donc, question de Talib Al-Ain. Donc, Inch'Allah, les questions, Barakallahu fikoum. Je vous ai envoyé un PV, Inch'Allah, soit sur la Aqidah, le Minhaj ou la Salat. Non, on va la rentrer dans la raquette, Inch'Allah. Assalamu alaikum, cher. Je connais une sœur qui a des problèmes de dos et qui va se faire soigner chez un non-musulman avec son mari. Entre parenthèses, ce non-musulman prétend avoir un don pour soigner les gens. Il touche avec sa main la partie qui fait mal et la sœur explique qu'elle ressent quelque chose à ce moment-là. Pourriez-vous la conseiller en darija et puis-je enregistrer barakallahu fikoum, jazakumullahu khairan, cher. Il demande également les adillah qu'il précise si c'est permis ou non. Barakallahu fikoum. Question de Al-Muhtajiba. Salam alaikum, cher. Doit-on effectuer Tahiyat al-Masjid pour Salat et l'Aïd, même que l'on prie dans une moussala ou une mosquée, car il y a le hadith qui dit pas de prière surérogatoire avant Salat et l'Aïd. Tfadal, cher. Elle ressent une douleur, cher. Attendez, je reprends la question, Inch'Allah. Elle ressent quelque chose. Talab al-ilm. Que ressent la personne au moment où la personne le touche à l'endroit considéré? Est-ce que c'est une douleur? Est-ce que c'est un frisson? C'est quoi ce ressenti? Talab al-ilm. Khair, Inch'Allah. Donc c'est une douleur, cher. Une douleur. C'est dommage pour les questions qui ne sont pas prêtes, qui malgré cela elles nous poussent à perdre beaucoup de temps. En ce qui concerne la sœur qui a dit qu'elle pensait beaucoup à la mort et qu'elle ne savait pas comment faire, si elle devait commencer par demander de la science ou bien quoi faire, la réponse, Inch'Allah Ta'ala. D'un côté, alhamdoulillah, celui qui pense beaucoup à la mort, celui-là est en train d'appliquer le hadith du messager d'Allah, où il nous a demandé d'y penser beaucoup. Donc, là, il n'est pas sorti du hadith, inshallah ta'ala, de hadhim al-ladhat. Car le fait déjà de penser beaucoup à la mort va nous pousser à quoi? À éviter le haram. À essayer de faire le maximum de bien. Quant à donc, comment qu'elle va faire pour avancer, etc. Elle dit si je demande la science ou pas, etc. Non. Je lui dis, bien sûr, la quête de la science est obligatoire. Elle dit, elle ne va pas s'arrêter pendant toute ta vie. Mais en même temps, en demandant la science, ils sont en train d'appliquer. Subhanallah. En demandant de la science, est-ce que ça te gêne, par exemple, de faire la prière à l'heure? En demandant de la science. Est-ce que ça te gêne, par exemple, de rabaisser le regard quand tu es dans la rue, en demandant de la science? Est-ce que ça te gêne d'être voilé, de te voiler quand c'est le moment de sortir dans la rue? En demandant de la science, est-ce que, par exemple, ça te gêne de jeûner, si tu peux jeûner un lundi ou un jeudi? Donc, je n'ai pas compris qu'il y avait une contradiction entre les deux. Au contraire, quand j'apprends une nouvelle chose, j'essaie, Inch'Allah Ta'ala, de l'appliquer. Non. Donc maintenant, si le fait de penser à la mort est devenu chez cette personne un ouest-ouest, au point où elle est bloquée, elle est coincée, elle arrête là à penser du matin au soir, je lui dis, ça c'est faux. Non, ça c'est faux. Le fait d'avoir peur doit nous pousser à quoi? À apprendre plus et à obéir plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je dis à cette sœur, Yani, vas-y doucement, Inch'Allah ta'ala, apprends. Et elle fait ton apprentissage petit à petit, un peu d'aqida, un peu de fer, un peu ceci, cela. Et à chaque fois, essaye d'appliquer une chose que tu viens d'apprendre. Aujourd'hui, on t'a appris, par exemple, que Salat al-Duha, par exemple, c'est une sunna. Demain, Inch'Allah, si tu peux, vers 9h du matin, fais 2 rak'at Salat al-Duha. Et comme ça, Inch'Allah, chaque fois que tu apprends une chose, tu essayes de la faire. En ce qui concerne le frère et sa femme, qui dit que. Il est tout le temps en voyage avec sa femme ou quelque chose comme ça. Il a dit qu'il livrait, je crois, des choses, etc. Je dis à ce frère, si longtemps, s'il entend l'adhan, s'il entend l'adhan, il s'arrête, Inch'Allah Ta'ala, même s'il n'y a pas de moussallah pour la femme, il s'arrête il rentre, inshallah, dans la mosquée, il fait sa salat. Quant à elle, même s'il n'y a pas d'endroit où elle fait la prière, elle la fait assise. Surtout, lui, quand il sort de la mosquée, il sait déjà où se trouve la Qibla. Et elle, elle fait la prière assise, en face de la Qibla. Ça, c'est dans le cas où il n'y a pas un endroit où elle peut la faire debout. S'il y a un endroit où il sait qu'elle peut faire la prière debout, aucune femme ni aucun homme ne lui est permis de faire la prière en étant assis dans la voiture s'il y a où il peut la faire debout. C'est pour ça que quand est-ce qu'on la fait assis, on la fait assis quand on sait qu'il n'y a aucun endroit où je peux la faire debout. Donc je suis entre deux choses. Ou bien laisser sortir ma salate de son heure, ou bien la faire assis. Qui est mieux? La faire assis. C'est comme je suis dans un bus, je sais que le bus ne va pas s'arrêter, ou là dans un train. Un voyage de 4 heures. Le train ne va pas s'arrêter. Comment je fais? Je laisse ma prière sortir de l'heure. Je la fais assis. Non. Donc, cette femme la fait assis dans le cas où elle sait qu'il n'y a pas où la faire debout. Mais si le mari sait qu'il y a des endroits où elle peut la faire debout, il l'emmène dans un jardin ou n'importe où elle la fait debout. Non. Car ce n'est pas, car la prière obligatoire, la prière jamaa en groupe n'est pas obligée pour la femme. La sœur qui a le djinn, non, et qui ça fait longtemps qu'il est avec elle, on demande à Allah Ta'ala le Tout-Puissant de la guérir. On demande à Allah Ta'ala le Tout-Puissant de la guérir. Cette sœur, non, elle doit rattraper les salats qu'elle n'a pas faites quand elle sera bien, en bonne santé, bi'idhnillahi Ta'ala. Et quand elle a vraiment, yani, mal, qu'elle a vraiment mal et qu'elle se sent vraiment malade, même qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de la faire debout. Si elle peut, elle peut pas, elle fait assis. Non. Si elle peut pas, elle fait sur son flanc droit. Si elle peut pas, yani, sur son flanc gauche, sinon sur le dos. Mais elle laisse pas, inshallah ta'ala, la prière passer. Si vraiment elles sont vraiment des maux vraiment difficiles, elle peut alors groupée entre les deux salates, entre par exemple Dhohr et Asr, et elle dort. Non, elle le fait de temps en temps quand elle sent que c'est vraiment difficile pour elle. Mais je l'exhorte à quoi? À placer sa confiance en Allah Azzawajal, c'est lui qui guérit. Et qu'elle n'oublie pas que Ayyub alayhi salam, c'est un prophète et Allah Ta'ala lui a donné une maladie de 13 ans. Regardez, un messager, la personne la plus aimée par Allah, et Allah Ta'ala lui donne une maladie de 13 ans. Subhanallah. Donc, ça rentre, tout ça rentre dans quoi? Dans le fait que ça annule les péchés. La maladie annule les péchés, comme vous le savez. Et si une personne patiente, en plus de cela, si elle patiente, elle a quoi? Elle a des hasanettes. Voilà ce que fait la maladie. La maladie, que tu patientes ou pas, elle t'enlève, alhamdoulilah, quoi? Elle t'enlève tes péchés, elle annule. Maintenant, si tu veux toi et tu patientes, alors elle va faire une deuxième fonction. C'est quoi? C'est de te donner des hasanettes. Donc toi, ma soeur, avec cette maladie, tu as ce que beaucoup de gens n'ont pas. Nam. Pour celle qui avait dit qu'elle avait le problème de dos, nam, et que si elle va chez cet homme, il la touche, nam, ce qui est connu, c'est que l'homme n'a pas le droit de toucher la femme et vice-versa. Sauf si c'est une nécessité. Non, si c'est une nécessité et que cette personne a le statut d'un médecin. Si c'est un médecin et il n'y a pas de femme médecin, alors un homme peut toucher un nid, une femme et une femme peut toucher un homme. Non. Mais maintenant, cette personne, est-ce que ça s'est vraiment avéré que c'est une personne et un nid, qu'on essaie de la médecine et que et beaucoup de personnes sont allées chez cette personne et que, alhamdoulilah, a priori c'est un magnétiseur. Non, je ne sais pas ce que c'est un magnétiseur. Non. Sinon, comme j'ai dit, il n'a pas le droit, bi'idhnillahi ta'ala, de lui toucher son dos. C'est pour ça, elle doit quoi? Elle doit de préférence chercher une femme. Non, chercher une femme. Ou bien faire la hijama, faire la hijama sur son dos ou là dans son dos, bi'idhnillahi ta'ala. Et enfin, pour salat, pour la salat de la mosquée, quand on va à l'Aïd, on va pour faire la prière de l'Aïd. Si on fait la prière de l'Aïd dans un musalla, pas dans la mosquée, mais dans un musalla, comme ça, hors de la mosquée, dans une cour ou là, il n'y a pas les deux rak'at de tahiyat al-masjid. Mais si on fait la prière dans une mosquée, on n'a pas le droit de s'asseoir sans faire les deux rak'at de la prière de la mosquée. Car le messager d'Allah, qui a dit qu'il n'y avait pas de prière surérogatoire avant l'Aïd, il parlait de prière surérogatoire à part quoi? À part les deux rak'at de la mosquée, si on fait la prière dans la mosquée. Car le messager d'Allah savait que, quand il parlait, voulait dire que la sunna, c'est de faire salat l'Aïd dehors. En dehors, il n'y a pas de surérogatoire. Tu t'assois directement. Mais maintenant, puisque tu l'as faite dans la mosquée, ça change tout. Quand on est dans la mosquée, on n'a pas le droit de s'asseoir dans une mosquée sans faire deux rak'at, que ce soit le jour de l'Aïd ou n'importe quel jour. Naam. Wallah azza wa jal a'lam. Tafadhal. Non, donc la question de Shahina 2. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a plusieurs choses que je n'ai pas bien comprises au sujet du destin. Dans un dars, vous avez dit que Allah Azzawajal ne contraint pas les hommes et qu'il a seulement su ce qu'ils allaient faire. Et vous avez donné l'exemple de quelqu'un qui aurait déjà vu la cassette d'un match de foot et qui aurait écrit sur une feuille ce qui allait se passer durant ce match. Mais la personne qui a vu le match c'est que un tel va shooter dans le ballon. Mais ce n'est pas lui qui a décidé que cette personne shoote dans le ballon. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est la même chose pour Allah Azzawajal. C'est-à-dire Allah Azzawajal a su que telle personne allait boire de l'alcool, mais ce n'est pas lui qui l'a forcé à boire. Donc cela veut dire que le destin n'est pas constitué de choses qu'Allah Azzawajal a décidées, mais seulement de choses qu'il a su. Est-ce que j'ai bien compris? Mais je sais qu'on ne peut pas vouloir une chose si Allah ne le veut pas. Donc comment le destin peut-il être constitué de choses qu'Allah n'a pas décidées? Et comment est-ce possible que l'on ait notre libre arbitre puisqu'on ne peut pas vouloir que si Allah Azzawajal le veut? Est-ce que cela signifie que Allah veut universellement que tous les hommes aient leur propre volonté et quand ils veulent une chose bonne, Allah le veut aussi juridiquement? Mais quand ils veulent une chose mauvaise, Allah le veut seulement universellement. Autrement dit, est-ce que Allah Azzawajal a voulu que les hommes veulent eux-mêmes? Qu'Allah vous récompense et barakallahu fikum ainsi qu'aux admins. Assalamu alaikum. Question suivante, question de Diak 59. Assalamu alaikum. Comment devons-nous nous comporter en Europe avec les lois des gouverneurs mécréants? Est-ce que je sors de l'islam si je respecte les lois de mon contrat de travail ou que je paie les impôts des mécréants? Ou que je dois me soumettre à la justice des mécréants, car ils m'ont pris la main dans le sac. Question de Mouad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis atteint de sihr. J'ai vomi à plusieurs reprises des cheveux et d'autres matières. Cela me cause beaucoup de problèmes pour la prière, fatigue extrême et douleurs très fortes. Est-il permis de retarder la prière ou de la regrouper en temps de crise? Jazakumullahu khayran. Donc on passe sur le InSpeak. Question de Qasim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum cher pour vos cours et votre temps. Donc j'ai beaucoup de waswas. Pouvez-vous me faire un rappel pour renforcer ma foi? Inch'Allah, barakallahu fikum. Question de Saliha. Assalamu alaikum. Hayakum Allah, quel est le châtiment pour une femme qui ne porte pas le khimar? Jazakumullah khayran. Tfadal Sheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Qu'est-ce que tu as dit à propos du match et du destin? Qu'est-ce que tu as dit à propos du match et du destin? Tu pouvais répéter. Et ensuite, celle qui a dit j'ai des ouswas. Si vous pouvez me conseiller, j'ai des ouswas. Quel genre de ouswas? Ouswas en Allah Ta'ala ou là, c'est quel genre de ouswas? Dans la aqidah ou là, des ouswas des tentations par exemple? Donc je reprends le passage du match de foot. Donc, dans un dars, vous avez dit qu'Allah Azzawajal ne contraint pas les hommes et qu'il a seulement su ce qu'ils allaient faire. Et vous avez donné l'exemple de quelqu'un qui aurait déjà vu la cassette d'un match de foot et qui aurait écrit sur une feuille ce qui allait se passer durant le match. Mais la personne qui a vu le match sait que un tel va shooter dans le ballon. Mais ce n'est pas lui qui a décidé que cette personne shoote dans le ballon. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est la même chose pour Allah Azzawajal, c'est-à-dire, Allah Azzawajal a su que telle personne allait boire de l'alcool, mais ce n'est pas lui qui l'a forcé à boire. Donc cela veut dire que le destin n'est pas constitué de choses qu'Allah Azzawajal a décidées, mais seulement de choses qu'il a su. Est-ce que j'ai bien compris? Donc dites-moi, cher, si je lis le reste de la question. Ou est-ce clair, Inch'Allah? Non, donc je lis, Inch'Allah. Mais je sais qu'on ne peut pas vouloir une chose si Allah ne le veut pas. Donc, comment le destin peut-il être constitué de choses qu'Allah n'a pas décidées? Et comment est-ce possible que l'on ait notre libre arbitre puisqu'on ne peut vouloir que si Allah Azzawajal veut? Est-ce que cela signifie que Allah veut universellement que tous les hommes aient leur propre volonté et quand ils veulent une chose bonne, Allah le veut aussi juridiquement, mais quand ils veulent une chose mauvaise, Allah le veut seulement universellement. Autrement dit, est-ce que Allah Azzawajal a voulu que les hommes veulent eux-mêmes? Et pour les waswas de Umm Qasim, elle a dit c'est au niveau de la aqida, la foi, etc. Quand j'ai parlé dans un de mes cours, du dessin, que j'avais donné l'exemple de quelqu'un qui a déjà, par exemple, vu par exemple un match. Ensuite, il l'a enregistré. Ensuite, par exemple, il a fait venir des gens et leur a dit, par exemple, regardez le match. Je voulais dire par là, que tout ce qui allait se passer dans la cassette, quand il va la revoir, doit obligatoirement être conforme à ce qui s'est passé, quand le match était en direct. Quand le match était en direct. Je voulais dire par ça que Allah Azzawajal, par exemple, nous, d'abord parlons de nous, nous qui ne savons pas, par exemple, quel va être le résultat d'un match, on ne peut pas écrire d'avance et dire, par exemple, que telle équipe va gagner avec tel nombre de buts et que c'est X qui va marquer, et X qui va être expulsé, et X ceci, cela, on ne peut pas. Non. Mais Allah Azzawajal, connaît le déroulement de notre vie, depuis qu'il nous a créés, bien même avant, 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre, Allah Ta'ala savait qu'est-ce qui allait se passer minute par minute, seconde par seconde, pour chaque créature créée, pas seulement pour les êtres humains, pour chaque créature, chaque arbre, quand est-ce qu'une feuille allait tomber, quand est-ce que la branche va être agitée par le vent de droite à gauche, ou bien de haut en bas, ou là, tout ça, et mashallah, écrit en détail, su en détail. Tout ça, pourquoi j'ai dit tout ça? C'est pour dire que Allah Ta'ala, s'il avait voulu, voilà où je voulais arriver. Si Allah Ta'ala avait voulu, le jour où il nous aurait créé, le jour où il nous aurait créé, ou plutôt, s'il avait voulu, il nous aurait créé directement, sans passer par l'étape du ventre de la mère. Il te crée directement comme il a créé Adam. Et il va dire, toi en enfer, toi au paradis, toi en enfer, toi au paradis, toi en enfer, toi au paradis, et comme ça. Pourquoi? Tu vas lui dire, eh Allah, pourquoi moi je vais en enfer et lui, il va au paradis? Il va te dire, parce que toi, si je t'avais laissé vivre dans la vie, tu aurais fait telle et telle chose, tel et tel péché, tu aurais fait du kofre, tu aurais ceci, cela. Et bien sûr, tout le monde va dire non. Il va dire, eh Allah, c'est pas vrai, moi, si vous m'avez laissé, je serais resté toute ma journée dans la mosquée, j'aurais donné tout mon argent, j'aurais construit des mosquées. Non. Mais Allah Ta'ala, s'il va dire toi en enfer, toi au paradis, ça veut dire que même sans qu'on descende nous sur terre et qu'on vive, Allah Ta'ala sait si on était descendu ce qu'on aurait fait seconde par seconde. Mais Allah Ta'ala n'a pas besoin que, yani, on fasse d'abord la chose et il l'écrive. Mais il écrit directement. Il écrit directement. Parce que Allah Ta'ala, yani, ne se trompe pas. Et j'ai donné l'exemple de la cassette. Est-ce qu'une cassette, si tu la vois, elle peut en différer, elle peut se tromper de la cassette en direct? Il faut que ça vienne conformément. Conformément à ce que tu as vu en direct, tu vas le revoir en différé. C'est ce que j'ai voulu dire en donnant l'exemple de la cassette. Mais je ne parlais pas de qui allait shooter. Est-ce que c'est avec la volonté de celui qui va shooter ou avec la volonté d'Allah? Je ne parlais pas de volonté là-bas. Je parlais seulement de science. La science d'Allah Ta'ala est globale. Est globale. Et que, avant que tu fasses la chose, il sait. Il sait si tu vas la faire et comment qu'elle sera. Et si tu vas pas la faire, si tu l'avais faite, comment qu'elle aurait été. Non. Même celle que tu fais pas, il sait si tu l'avais faite, comment elle aurait été. Al-Muhim. Donc, Inch'Allah Ta'ala, mon exemple n'a rien à voir, Inch'Allah Ta'ala, avec quoi? Avec la volonté. Mais je parlais de la science. De la science d'Allah Ta'ala qui est, Mash'Allah, globale et complète. Et malgré cela, pour qu'il prouve qu'il est le plus juste, il attend quoi? Il attend que tu fasses. Et il n'écrit pas, subhanallah l'adhim. Il ordonne aux anges d'écrire. Car peut-être, et il y a ça aussi dans le hadith, que les gens vont dire à Allah Ta'ala, quand il va leur dire, vous voulez qui comme témoin? Il n'accepte personne. Il n'accepte ni qu'Allah Ta'ala écrive, ni les anges. Ils disent, on veut de nous-mêmes. On veut de nous-mêmes. On n'accepte pas ce qu'il y a écrit sur le livret. Même les anges, on n'accepte pas. On veut que ce soit des témoins de nous-mêmes. Et c'est là qu'Allah Ta'ala va leur, yani, fermer la bouche et c'est leurs membres, les mains, les pieds, c'est là qu'ils vont parler. Maintenant, autre chose, cette personne avait dit autre chose sur la volonté. Naam, elle avait dit des choses. Est-ce qu'Allah Ta'ala a voulu qu'on veut? Est-ce que c'est cela? Elle a dit, c'est très, comment dirais-je, c'est très, yani, détaillé. Ça demande beaucoup de détails, bidna Ta'ala. Ça demande à revenir sur les cours de la volonté universelle et juridique. Mais je vais résumer ça, inshallah ta'ala, en deux ou trois phrases. Bon. Il y a des choses. Attendez, d'abord, je cherche les mots en français parce que ce sont des cours que j'ai fait, ça fait très longtemps. Il y a des choses où on a le choix. On a le libre arbitre. Et il y a des choses où yani, on est contraint. Non. Par exemple, le fait de mourir, tu es contraint. Le fait de tomber malade, ce n'est pas toi qui choisis. Le fait de dormir, ce n'est pas toi qui choisis. Le fait qu'il y aller, d'aller aux toilettes, ce n'est pas toi qui choisis. Non, le fait de respirer, ce n'est pas toi qui choisis. Et quand il y a des fautes, il y a des choses non, qui viennent d'Allah Ta'ala pour prouver que c'est lui qui commande. Il ne donne aucune liberté à la personne en cette chose. Et ensuite, il y a d'autres choses où Allah Ta'ala dit, wa hadaynahu najdain. On lui a donné les deux chemins. Pour que quoi? Pour que ça soit toi qui choisisses. C'est toi qui décides est-ce que tu vas au bar ou bien est-ce que tu vas à la mosquée. C'est toi qui décides est-ce que tu vas vers le halal, hein, qui est ta femme, ou là tu vas vers l'autre, qui est la fille de rue. Allah Ta'ala t'a donné de choisir. Pourquoi? Parce que si Allah Ta'ala voulait, d'une volonté universelle, il voulait, et aussi juridique, que nous tous, on l'adore. C'est facile pour Allah Ta'ala. Wa law sha'a Allah, wa law sha'a Rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida. Non, et si Allah Ta'ala veut les rendre tous croyants. Mais, yani, où est la preuve que cette personne voulait vraiment Allah Ta'ala? Mais Allah Ta'ala voudrait que ce soit toi qui choisisses et qui dises, je ne veux pas suivre le chemin du shaitan. Je veux suivre le chemin d'Allah. Cette chose s'appelle de l'alcool. L'alcool, je ne veux pas la boire, même si j'ai des tentations pour la boire, mais Allah Ta'ala ne veut pas. Donc, je ne la bois pas. Non, pour Allah Ta'ala. Non, Allah Ta'ala m'a interdit cette chose, même si je l'aime, je vais la délaisser. Non, Allah Ta'ala m'a ordonné de faire cette chose. Même si c'est, je ne l'aime pas vraiment, c'est difficile, mais je vais la faire pour Allah Ta'ala, comme le voile pour la femme, par exemple. Non, c'est difficile, mais je le fais pour Allah. Allah Ta'ala veut que ce soit toi qui prennes une décision et qui choisisse. Et quand tu auras choisi n'importe ce que tu as choisi, ça ne sort pas de la volonté universelle d'Allah Ta'ala. Car il est impossible qu'il se passe une chose sur cette terre, que cette chose soit, yani, qu'elle ait lieu sans que Allah Ta'ala ait voulu. C'est impossible. Si c'est du bien, tu remercies Allah Ta'ala, tu dis ça vient de lui. Si c'est quelque chose de mal, yani, tu te blâmes toi-même, tu te réprimandes. Tu dis ça vient de moi et ça vient du shaitan. Allah Ta'ala n'aime pas le mal. Allah Ta'ala a créé le mal, mais ne l'aime pas. Il nous a dit attention, ne le faites pas. Donc c'est moi qui l'ai fait et c'est mon shaitan. Voilà, inshallah ta'ala, en général, sinon ça demande beaucoup de détails, bi'idhnillah azza wa jal. Naam. En ce qui concerne les lois des mécréants, en ce qui concerne les lois des mécréants, je disais que naam, toute loi qui n'est pas conforme à la loi d'Allah azza wa jal, ou bien qui la contredit, on ne doit pas l'aimer, on doit être contre. Et des fois, je dis, on est contraint. C'est comme si quelqu'un, par exemple, va dans un tribunal de kofar et dépose une plainte contre toi. Ensuite, la police vient, hein, et tu es obligé de quoi? D'aller là-bas, tu es obligé de parler, tu es obligé de te défendre, tu es obligé de, hein, tout cela, tu le fais sous la contrainte. Et tu le fais toujours en détestant les lois des kofars. Hein. Où ça devient du kofr? C'est quand ça te plaît. Tu aimes la loi des kofars. Et ça te plaît, tu dis c'est une bonne loi celle-là, une bonne loi. Non, ça rentre dans le coffre, bi-idhnillah azza wa jal. Mais si tu vis chez les kuffars et que yani, on te force à faire une chose, ou là tu es forcé pour, yani, pour éloigner de toi le mal, cette chose ne rentre pas non, dans le coffre, bi-idhnillah ta'ala. En ce qui concerne la personne qui a le sihr, non, et qui retarde la prière, est-ce qu'elle a le droit de retarder la prière? Elle a le droit de le faire à condition de ne pas la retarder jusqu'à l'heure, jusqu'à son moment sorte. Ou alors, même de temps en temps, quand c'est vraiment des crises, elle peut joindre entre deux salates. Même, joindre entre deux salates pour un besoin et une nécessité, ça rentre, inshallah ta'ala, dans le dîn. C'est le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne les ouswas, j'avais dit la fois passée que il n'y a pas une personne qui, de temps en temps, n'avait pas les ouswas. Il n'y a pas une personne qui, de temps en temps, à laquelle le shaitan ne vient pas et ne lui dise pas est-ce que vraiment rien, est-ce que tu fais vrai, est-ce que vraiment il y a le paradis, est-ce que vraiment il y a Allah, est-ce que vraiment tu ne te fatigues pas, qui te dit qu'il y a quelque chose après la tombe, est-ce qu'il y a des gens qui sont partis, qui sont revenus. Nous tous, de temps en temps, il y a un shaitan yani, qui vient nous dire ça. Mais plus tu es occupé par la science et par écouter les douros, c'est par et par, et ton cœur est attaché à cet islam, plus les ouswas deviennent moindres, car les ouswas, ils viennent surtout lorsque la personne, par exemple, est esseulée. Comme a dit le messager d'Allah, il a dit, Inna shaitana ma'al wahid, le shaitan est avec la personne seule, wa huwa min ithnayni ab'ad, et le shaitan est loin de deux personnes. C'est-à-dire, quand il y a une personne, il y a toujours le shaitan. Car tu es seul. Tu es seul, tu vas te parler à qui? Non, tu vas parler avec le shaitan. Il vient, il discute avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ceci, cela? Il commence à te faire des ouest-ouest. Non. Sinon, j'ai dit quoi? Je redis, il n'y a pas une personne, peut-être, à part peut-être les messagers, non, il l'a, sauf que yani, le shaitan vient de temps en temps lui faire le ouswas. C'est pour ça que le messager d'Allah m'a dit que le shaitan vient chez vous, il lui dit qui a créé les cieux, qui a créé la terre, etc. Jusqu'à ce qu'il lui dise qui a créé Allah. Il a dit, s'il ressent cette chose, qu'il dise quoi? Il crache sur son épaule gauche trois fois, il dit Amantu billahi wa bi rasulihi, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulid wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Donc je donne un conseil à cette personne de ne pas rester beaucoup seul, de s'occuper à lire, à écouter des douros, à être avec des sœurs si c'est une sœur, pour que le shaitan n'ait pas une influence sur toi. Et que c'est pas grave d'avoir le ouswas, car tout le monde l'a. Mais il faut pas que ça devienne yani, du matin au soir. De temps en temps, il vient. Mais pas du matin au soir. Non, pas du matin au soir. Pas de rimar. Et pour la cinquième question, la personne avait dit, quel est le châtiment de celle qui ne met pas le khimar? Moi, je reviens ici pour dire, c'est quoi le khimar? Est-ce que le khimar qu'on connaît en islam, qui s'appelle le khimar, c'est ce que met la femme sur sa tête? Ou bien est-ce que le khimar, c'est le hijab chez vous et le djilbab? Je ne sais pas ce que ça veut dire khimar. Pour que je réponde juste, il faudrait que je sache c'est quoi le khimar. Non. Ensuite, on me dit ici, attendez, je dis ça, mais pour des choses où on a le libre arbitre, c'est Allah qui décide aussi. Comment on peut décider puisqu'on ne peut pas vouloir une chose sans que Allah Ta'ala le veuille? Je reprends cette question. Et j'attends pour qu'on me réponde pour le khimar. Pour le libre arbitre. Mais pour les choses où on a le libre arbitre, c'est Allah qui le décide aussi. Comment on peut décider puisqu'on ne peut pas vouloir une chose sans qu'Allah Ta'ala le veuille. Pour le libre arbitre, Naam, c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons. Naam, comme a dit Allah Ta'ala, فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ مَنْ يُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفَرْ. Il a dit, celui qui vous de vous veut croire qu'il croit, celui qui veut yani mécroire qu'il mécroit. Maintenant, si tu crois, alhamdoulilah, il y a les deux volontés qui se sont groupées. La volonté juridique, car Allah Ta'ala aime la foi, et la volonté universelle, car tu as cru. Naam. Mais si tu mécrois, il y a quoi? Il y a seulement la volonté universelle qui a eu lieu. Quant à la juridique, elle s'est retardée, elle n'a pas eu lieu. Car tu as mécru, Allah Ta'ala n'aime pas le kofr. La même chose pour toute chose que tu fais. Naam. Quand tu fais une chose, si elle est bien, et Allah Ta'ala l'aime, les deux volontés ont eu lieu. Si tu as fait l'autre que Allah Ta'ala n'aime pas, c'est une seule volonté qui a eu lieu, la volonté universelle. C'est-à-dire que Allah Ta'ala, Naam, avait su que tu allais faire cette chose, il avait écrite cette mauvaise chose. Mais ce n'est pas Allah Ta'ala qui l'a fait, c'est toi qui l'as faite. Naam. Tfadl, inshallah. Je n'ai pas encore la réponse du khimar. Tfadl. Non, chef, pour le khimar, la sœur n'a pas répondu, donc on passe aux questions suivantes, Inch'Allah. Donc, question de Abu Hafsa 62. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Azzawajal vous rajoute de sa science et vous préserve. Et je voulais savoir ce que dit l'islam au sujet de la salat al-Jumu'ah lorsque le Eid a lieu un vendredi. Peut-on prier uniquement Salat al-Eid en ayant l'intention qu'elle inclut également Salat al-Jumu'ah? En d'autres termes, peut-on ne pas accomplir Salat al-Jumu'ah? Mais doit-on pour autant faire Salat al-Zuhr? Ou est-ce que Salat al-Zuhr est également annulé? Barakallahu fikoum, cher. Question de Abu Hazaïfa 76100. Salam alaikum, cher. Une femme qui accouche et qui a l'élochie qui dépasse 40 jours, doit-elle reprendre la prière après les 40 jours ou doit-elle attendre 60 jours? Jazakumullah khairan. Question de Zahira. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous accorde le paradis ainsi qu'à votre famille. Amin. J'aimerais savoir si c'est une obligation ou une sunna de réciter à voix haute durant les prières obligatoires du Maghrib et l'Isha. Barakallahu fikoum. Donc sur le InSpeak, c'est la question de Ibrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici ma question. Vers la fin des temps, comment se passera la venue de Isa ibn Maryam, alayhi salam? Les chrétiens le prendront-ils pour un imposteur ou reviendront-ils tous à l'islam? Barakallahu fikoum. Question de Zakaria 72. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Je vous ai interrogé pendant le ramadan sur les pertes blanches de la femme et son impact sur le wudu. Vous m'aviez donné l'avis de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, et vous aviez prévu de faire des recherches pour me donner l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Avez-vous trouvé son avis sur la question ou l'avis d'autres savants? Barakallahu fikoum. Tafadhal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour la salat al-Jumu'ah, si jamais elle tombe, non, si jamais l'Aïd, tombe un Jumu'ah, un vendredi, là on a un hadith authentique du messager d'Allah, qui dit que si jamais l'Aïd tombe un vendredi, il dit que yani, celui qui fait l'Aïd, ça lui suffit. Hein, comme ça a dit à peu près le messager d'Allah dans un hadith authentique. C'est aussi le hadith de Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Donc maintenant, si c'est l'Aïd un vendredi, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire salat l'Aïd avec l'imam. Ensuite, on va voir ce qui va se passer pendant le Jumu'ah. On va voir ce qui va se passer pendant le Jumu'ah. Si l'imam va refaire salat le Jumu'ah, en principe, il l'a refait. Pourquoi? Parce que peut-être des gens ne sont pas arrivés à l'Aïd. Alors au moins, qu'ils ne ratent pas aussi la Jumu'ah. S'ils ont raté le premier Aïd, au moins ils ne ratent pas le deuxième Aïd. Et maintenant, si l'imam ne veut pas faire salat le Jumu'ah, alors on va faire quoi? On va faire salat d'or. On va faire salat d'or. Et la Jumu'ah n'est plus obligatoire parce que la Jumu'ah c'est un Aïd et c'est tombé pendant un jour de l'Aïd. Un seul Aïd suffit. Comme ça, disent yani, les savants, en ce qui concerne la Jumu'ah, si ça tombe un Aïd. Donc je répète, je résume. Hein, si la Jumu'ah tombe un Aïd, si quelqu'un fait l'Aïd, ça lui suffit. Il n'est pas obligé de faire la Jumu'ah. Ensuite, on va voir l'imam. S'il fait la Jumu'ah, on fait la Jumu'ah avec lui. S'il fait Dhohr, on fait quoi? On fait Salat al-Dhohr. Non. Ensuite, attendez, je vais voir pour les louchis. Non, pour les louchis. Si une femme a les louchis, non. Ensuite, quand est-ce que ces louchis se terminent? Il y a deux grands avis. Le premier avis, le Cheikh Al-Albani, de la plupart des savants, qui disent qu'on ne doit pas dépasser 40 jours. D'après le hadith de Salama, radiallahu ta'ala anhu, l'une des épouses du messager d'Allah, donc qui connaît ces choses mieux que quiconque. Elle a dit, pendant l'époque du messager d'Allah, la femme ne dépassait pas 40 jours. Donc, maximum, le 40e jour, hein, qu'est-ce qu'elle fait? Ensuite, le soir, elle se lave et elle commence, Inch'Allah ta'ala, à, yani, maximum 40 jours, disons le 41e jour, elle commence, bidna ta'ala, yani, elle se lave et elle commence à prier et à jeûner si c'est pendant le Ramadan. Ça, c'est l'avis, yani, le plus sûr. Il y a un autre avis, de cité aussi par Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah et cité aussi par Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dans son livre qui s'appelle Sharh Al-Mumti'. Il dit que si après 40 jours il y a toujours le sang qui est celui des louchis, elle doit attendre yani, maximum alors 60 jours. Après 60 jours, même, elle ne doit plus attendre, mais elle se lave même s'il y a le sang, ce sera le sang yani des reines, pas des monstres. Ça, c'est le deuxième avis. Donc, Inch'Allah Ta'ala, moi, je préfère le premier avis. Pourquoi? Parce que la femme, l'épouse du messager d'Allah, a dit qu'on ne dépassait jamais, yani, les femmes n'ont dépassé 40 jours pendant yani, que le messager d'Allah était vivant. Et même s'il y a du sang après, on doit le compter comme métrorragie et pas comme loshi. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, les deux avis. Ensuite, en ce qui concerne la salat, faire le maghrib Isha à voix haute, est-ce que c'est sunna ou c'est obligatoire? C'est seulement sunna. C'est seulement sunna. C'est-à-dire, si un homme voulait faire salat le maghrib à voix basse, ou bien salat Isha à voix basse, il ne va pas faire les soujouds de distraction. Il va dire, ah, j'ai oublié, j'ai fait salat le maghrib à voix basse, donc je vais faire prier un peu Osma. Prosternation. Prosternation, deux prosternations, à cause j'ai oublié une chose. On lui dit non. Pourquoi? Sobh aussi, bien sûr. On lui dit non. Le fait de lire à haute voix ou bien de voix basse, c'est seulement sunnah, inshallah ta'ala. Non. Et à cause de la sunnah, tu ne vas pas faire la prosternation. En ce qui concerne la venue de Isa alayhi salam, quand Isa alayhi salam va venir, non. Les chrétiens ne vont pas le suivre, ou disons, la plupart ne vont pas le suivre. Pourquoi? Parce qu'il va venir avec quoi? Il va venir avec l'islam. Isa alayhi salam n'a jamais été un chrétien, ni ne va venir avec le christianisme. C'est pour ça que la première chose qu'il va faire, c'est quoi? Il va casser la croix. Non. Et il ne va plus accepter la jizya. La jizya, c'est l'impôt que payent les chrétiens quand ils vivent sous la gouvernance du musulman, dans un pays musulman. Non. Et il va tuer le porc. Le porc que les chrétiens mangent, lui, il va le tuer. Pas de porc. Donc, bien sûr, ils vont tous être contre lui. Sauf peut-être, Allah, peut-être quelques zingues. Mais c'est étonnant. Hein, vous savez que le chrétien ne va pas facilement revenir vers aimer la charia du messager d'Allah, Muhammad alayhi salam. Non. Donc, alayhi salam va venir avec l'islam et va casser la croix et faire ce que je viens de vous raconter. C'est pour ça que les chrétiens seront contre lui. Non. Seront contre lui. En ce qui concerne les pertes blanches, en ce qui concerne les pertes blanches, j'avais cité l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, qui fait la différence entre nam, les sécrétions, ce que sécrète la femme. Il dit ce que sécrète la femme, des fois, elle le sécrète de l'orifice d'où sort l'enfant. Et des fois, ce qu'elle sécrète, ça sort de l'orifice d'où sort l'urine. Il dit, si jamais il y a des pertes qui sortent de l'orifice de l'urine, c'est quoi? C'est souillé et elle doit refaire, elle a annulé ses ablutions. Il dit, mais, afouane, si c'est des pertes qui sortent de l'orifice d'où sort l'enfant, il a dit, ce n'est pas souillé. Ce n'est pas souillé, mais elle refait les ablutions. Ça annule les ablutions, même si ce n'est pas souillé. Ça, c'est l'avis de Cheikh Ibn Arabi. Je n'ai pas trouvé l'avis de Cheikh Ben Baz. Afouane, de Cheikh Al-Albani. Mais il y a l'avis de Cheikh Fawzan. Cheikh Fawzan, hafidhahullah, dit que les pertes blanches sont souillées et annulent le wudu. C'est-à-dire, il ne voit pas comme Cheikh Ibn Uthaymeen. Il dit les pertes blanches, d'un côté, annulent le wudu. Donc ici, il dit la même chose que Cheikh Ibn Uthaymeen. Il dit ça annule le wudu. Et la différence, il dit, c'est quoi? Il dit c'est souillé. Et Cheikh Ibn Uthaymeen dit, c'est pas souillé. Et il me semble, Wallahu a'lam, je dis Wallahu a'lam, il me semble que Cheikh Ibn Uthaymeen aussi disait dans les premiers temps que c'était quoi? C'était de la souillure. Parce que dans sa fatwa ici, quand on lui. Que ça va venir dans mercredi, Inch'Allah, les fatwas des femmes, quand on lui a parlé des pertes, il a dit, après avoir bien recherché, il me semble que les pertes qui sortent du côté de l'endroit où il y a l'enfant, il a dit, ce ne sont pas de la souillure. Quand il a dit après avoir bien recherché, ça veut dire que il me semble qu'auparavant il disait que c'était de la souillure. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Tfadla, inshallah, les prochaines questions. Non, donc, cher, salam alaikum. La sœur a répondu pour le khimar. Elle a dit, la sœur parle du jilbab, le hijab qui couvre les cheveux. Donc, pour ceux qui ne le portent pas, quel sera le châtiment? Après, il y a la personne qui a posé la question sur Issa alayhi salam. Elle demande, est-ce que les chrétiens sauront que c'est Issa qui est devant eux? Et ensuite, dernière chose, la réponse sur le destin, Wallahu a'lam, c'est pas encore clair. La personne a encore ajouté quelque chose. Donc Allah n'a pas décidé dans le destin nos péchés. Il a seulement su nos péchés, mais il ne les a pas décidés. Est-ce que c'est bien cela? Et pour les choses où on est contraint, il a su et décidé. Naam, c'est exactement comme elle a dit maintenant. C'est exactement comme a dit la personne ici. Qu'est-ce qu'elle a dit? Attendez, je vais relire. Allah Ta'ala n'a pas décidé dans le destin nos péchés. Naam, il ne les a pas décidés. C'est toi qui as fait les péchés. Lui, il les a su, il les a écrits. Il les a pas décidés, car s'il les avait décidés, tu pourrais lui dire, Yom al-Qiyamah, ya Allah, pourquoi tu vas m'emmener en enfer? C'est toi qui as décidé que je fasse cela. Non. compta. Nam, il a dit. Et pour les choses où on est contraint, Nam, Allah a su que tu allais le faire et il a décidé que tu le fasses. Il a su que tu allais dormir et il a décidé, il a écrit que tu dormes. Il a su que tu allais mourir, il a écrit que tu meurs. Et comme ça. Nam, c'est une bonne remarque, hein, que celle que vient de faire la sœur ici. Nam, Tayeb. Ensuite, pour autre chose, la sœur qui vient de dire, regardez ce qu'elle a dit, dites-moi si vous ne trouvez pas qu'il y a une contradiction pour le khimar. Elle a dit, pour le khimar, la sœur a dit le djilbab, le hijab qui couvre les yeux. Regardez, comment d'un côté, elle a dit le djilbab, et de l'autre, elle dit le hijab qui couvre les yeux. Et afwan, qui couvre les cheveux. Ça, Allah, c'est étonnant pour moi, je ne comprends pas là. Moi, ce que je sais, ce qui couvre les cheveux, ça s'appelle khimar, ça s'appelle pas djilbab. Jilbab, c'est le vêtement qu'on met. Non. Et moi, je vais répondre pour les deux classes. Taïb Mouslim, tfadal, je te donne là. Non, cher, parce que nous, en France, en fait, lorsqu'on parle de djilbab, directement, on va parler du voile qui tombe, qui commence des cheveux. Il commence des cheveux qui couvre ensuite le reste du corps. Et quand on va parler de hijab, on parle directement du voile qui couvre les cheveux qui tombent sur la poitrine. Un voile court, qui est pas trop long. Donc, en fait, automatiquement, dans tous les cas, que ce soit djilbab ou hijab, il va couvrir les cheveux, dans les deux cas. الله أعلم Non. Maintenant j'ai compris. Mais reste une autre chose qui est un peu difficile à comprendre et hein, que je dois bien comprendre pour répondre. Est-ce que celle qui a posé cette question est en train de parler de la sœur, d'une femme, quel est son châtiment si elle meurt sans s'être voilée, non, et par voile elle. Elle veut dire djilbab. Ou là, elle est en train de parler, yani d'une sœur qui, ou là d'une femme, qui meurt par exemple voilée seulement par un hijab et pas par un djilbab. Donc, c'est quoi sa question? Non, c'est quoi sa question? Est-ce qu'elle parle du djilbab et elle dit que si une personne ne met pas le djilbab et elle meurt, est-ce qu'elle va en enfer? Ou là, elle parle de si elle ne met rien du tout? Non. Fadval, vous pouvez, inshallah ta'ala, préparer les autres qui sont le temps que cette sœur nous dise qu'est-ce qu'elle veut dire par là. J'ai pas compris sa question. Naam, cher, elle a dit celle qui ne le porte pas du tout, celle qui ne couvre pas du tout ses cheveux. Non, pas du tout. Très belle, cher. Tayeb, elle a dit celle qui ne, attendez, ne couvre pas du tout ses cheveux. Elle aurait pu choisir un mot comme voilée. C'est mieux. Elle dit quel est le châtiment d'une femme qui n'est pas voilée. Alors là, on aurait compris. Là, El-Mohim, si une femme meurt et elle n'est pas voilée, et qu'elle savait pas, et qu'elle savait que le voile était obligatoire, pourquoi je dis qu'elle savait? Car il est possible qu'une personne ne sache pas. Il est possible qu'une chrétienne, par exemple, vient juste de rentrer dans l'islam, ça fait une semaine. Et elle ne sait pas qu'en islam, on se voile. Elle ne sait pas. Et elle est morte pendant cette semaine. Est-ce que Allah Ta'ala va la châtier? Est-ce que Allah Ta'ala châtie une personne qui ne connaît pas un jugement d'Allah? Jamais, alhamdoulillah. Alhamdoulillah, c'est une grâce d'Allah Azzawajal. Donc, si une personne sait que il y a le voile en islam et ne le renie pas dans son cœur, elle dit c'est vrai, il y a le voile, mais ne l'a pas porté sans excuse, hein, celle-là, elle a fait un grand péché. Le messager d'Allah a dit que elle n'allait pas rentrer au paradis. C'est comme ça qu'a dit le messager d'Allah, il a dit qu'elle n'allait pas sentir son odeur. Qu'elle n'allait pas sentir son odeur. Quoique les savants, quand ils ont expliqué ce hadith, ils lui ont donné un des deux sens. Ils ont dit, quand le messager a dit à l'Essoussalam qu'elle n'allait pas rentrer au paradis, c'est-à-dire qu'elle va passer d'abord par l'enfer. à cause du voile qu'elle n'a pas porté, ensuite elle va aller au paradis. Ou bien ils ont dit qu'elle ne va pas au paradis, dont le hadith veut dire pour celle qui a renié, qui a dit non, il n'y a pas le voile, je ne reconnais pas le voile, celle-là, bien sûr, c'est une kafira, elle ne va pas aller au paradis. Donc pour résumer, je dis quoi? Toute femme qui meurt non voilée est morte sur un grand péché. C'est comme si elle est morte en buvant de l'alcool, ou bien en faisant la fornication, ou bien. C'est-à-dire, elle est morte sur un grand péché, sans pour autant dire qu'elle est kafira. Elle n'est pas kafira, hein, c'est al-sunna al-jama'a, le dogme de al-sunna al-jama'a, tant qu'elle reconnaît qu'il y a le voile, elle n'est pas kafira, mais elle a fait un grand péché. Elle est morte sur un grand péché. Ce n'est pas une chose facile pour elle demain devant Allah Azza wa Jalla. Ah, donc, les questions suivantes. La question de Abou Bilal. Salam alaikum, Yachir. Hafizakum Allah. Lorsque Allah Ta'ala est en colère contre le musulman, est-ce qu'il le châtie forcément dans cette dunya ou fil akhira, ou peut-il rester en colère sans le châtier? Barakallahu fikum. Hayakum Allah Ta'ala. Question de Umu Khadija. Salam alaikum. En fait, je ne veux pas poser de questions, mais je voudrais convenir d'un rendez-vous téléphonique avec le cheikh, car le mardi, il m'est impossible de l'appeler. Je dois absolument lui parler, Inch'Allah. Donc, cheikh, vous me direz si vous pouvez ou pas. Donc après, Amatul Haq, son mari, veut poser la question directement au micro, Inch'Allah. Donc, je vais d'abord lire les questions du InSpeak. La question de Ourti 19. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que le hadith suivant existe et est-il authentique? Si oui, quelle est sa signification? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si la pauvreté était un homme, je l'aurais combattu. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question de Oumou Suleyman. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous protège et nous fasse profiter de vous. Nous avons dans notre mosquée un cours pour sœurs et un des responsables de cette mosquée, l'imam, a dit: dans cette mosquée-là, la femme indisposée est interdite de rentrer. L'imam sait qu'il y a deux avis sur ce sujet. La question est la suivante. Si la femme est convaincue, c'est ambigu. La question est la suivante. La femme est convaincue de la vie qui autorise, peut-elle rentrer ou doit-elle tout de même obéir à l'imam? Est-ce un péché, grand ou petit, que l'imam commet, ou a-t-il le droit d'agir de la sorte? De plus, il n'accepte pas le conseil en général. Est-ce qu'il faut toujours le conseiller? Barakallahu fikoum. Amatul Haq, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Je vous ai enlevé le raid. Répondez directement sur le salon. Mettez un si vous êtes là, Inch'Allah. Alhamdulillah. Allez-y, donc prenez le micro pour poser la question, Inch'Allah. السلام عليكم يا شيخ. أحسن الله إليك، بارك الله فيك على هذه الدروس. شيخ، جي اون كيستيون دون نواقض الإسلام. شرح نواقض الإسلام شيخ صالح فوزان. On a fait le livre en entier. Et dans l'annulant numéro 8, il y a une question que les frères ils ont pas compris, ni la réponse. Je la lis, hein. السؤال هو: هل الخوارج يعتبرون من أهل القبلة؟ وهل يصلى خلفهم؟ وما ضابط من يصلى خلفه من أهل القبلة؟ ريبيت. هل الخوارج يعتبرون من أهل القبلة؟ وهل يصلى خلفهم؟ وما ضابط من يصلي خلفه من يصلى خلفه من أهل القبلة؟ لا ريبونس. الشيخ حفظه الله يقول: الجواب، اختلف العلماء في الخوارج هل هم كفار أو هم ضلال وفساق على قولين. القول بتكفيرهم أقرب لأن الأدلة دلت على كفرهم، وأما الصلاة خلفهم فلا تجوز بناء على أنهم كفار إلا إذا تغلبوا على بلد كما ذكر ذلك الفقهاء فالمسلم يصلي خلفهم. Je répète la réponse. اختلف العلماء في الخوارج هل هم كفار أو هم ضلال وفساق على قولين والقول بتكفيرهم أقرب لأن الأدلة دلت على كفرهم وأما الصلاة خلفهم فلا تجوز بناء على أنهم كفار إذا تغلبوا على بلد كما ذكر ذلك الفقهاء فالمسلم يصلي خلفهم. La question c'est quoi? C'est الشيخ هنا يحكم بتكفير الخوارج. معلوم أن في خلاف بين العلماء والغالب لا يحكم بتكفيرهم. الشيخ هنا يرى برأي الشيخ بن باز رحمه عليه بتكفيرهم. وفي آخر الكلام يذكر أن المسلم يصلي خلفهم إذا تغلبوا على بلد. فكيف يحكم بكفرهم ثم يقول يصلي خلفهم؟ نرجو توضيح هذه المسألة. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Muslim, dis-moi si j'ai bien entendu. Il parlait de Cheikh Fawzan Hafidhahullah. Naam. Donc, Alhamdoulilah. Sah. Cheikh Fawzan, Rahimahullah. Naam. J'ai lu dans un de ses livres, Naam, qu'il était de l'avis. Enfin, j'ai lu ce qu'on appelle une risala, un épître, comme ça, un petit livre. Qu'il est de l'avis de ceux qui disent que. Yani les khawarij sont des kuffars parce qu'il y a une divergence. Et comme a dit le frère ici, la plupart des savants ne sont pas de l'avis qu'ils sont des kuffars. Mais d'autres comme le Bukhari, comme certains, dont j'ai oublié le nom, je crois aussi le Qurtubi, certains sont, je crois, Ibn al-Arabi, certains ont pris l'avis que ce sont des kuffars. Ils ont cité le hadith qui dit que le message d'Allah a dit que c'était comme une lance qui transperçait le corps et sortait de l'autre côté. Et une lance, quand elle transperce le gibier par exemple, elle sort de l'autre côté, elle sort de l'islam, place, elle ne peut pas revenir, elle est sortie de l'islam. Donc, Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, est de l'avis que les khawarij sont des kuffars. Et s'ils sont des kuffars, bien sûr, on ne peut pas faire la salat derrière un kafir parce que sa salat lui-même est annulée. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit sauf dans un cas ou quoi? Sauf dans un cas où ils ont pris, disons, un pays ou une ville ou un village là, ils l'ont pris de force. Ils l'ont pris de force. C'est eux qui commandent maintenant les mosquées. Sont eux qui les commandent, etc. Ici, il a dit, il est permis de faire la salat derrière eux. Et c'est comme ça, en général, le madhab de Al-Sunnah al-Jama'a. Pourquoi? Parce que le madhab de Al-Sunnah al-Jama'a, il fait toujours la balance entre les bonnes choses et les mauvaises. Le mafasid ou le masalih, comme on dit en arabe. C'est-à-dire que, quand, khlas, maintenant, ce sont eux qui commandent, et que tu es sous leur joug, sous leur commandement. Maintenant, si jamais tu vas faire la salat à la maison, c'est-à-dire que tu es contre eux. C'est grave pour toi aussi. Donc, tu vas là-bas, tu fais la prière avec eux, et bien sûr, ce sera alors là, ce sera le deuxième avis qui va marcher. C'est-à-dire, comme quoi ils ne sont pas des kofars. Pourquoi? Parce qu'ils sont des kofars, comme a dit Cheikh ici, dans le premier cas, dans le cas général, comme ça. Mais si jamais eux, ce sont eux qui commandent, etc., khlas, ils ont perdu ce statut, tu peux faire la salat derrière eux, naam, et Inch'Allah ta'ala, pour éloigner les problèmes. Car vous voyez, j'ai cité des sahaba qui faisaient des prières, de la salat derrière une personne qui boit de l'alcool, alors que vous savez que la personne qui boit de l'alcool, elle-même, sa salat n'est pas acceptée pendant 40 jours. 40 jours, elle-même, sa salat n'est pas acceptée. Mais toi, tu fais ta salat derrière elle parce que tu es dans un cas spécial. C'est un gouverneur, celui-là, c'est lui qui commande. Yani, tu n'as plus d'autre choix, sinon c'est grave pour toi. La même chose pour le khariji. Il va faire la salat derrière lui. Mais il ne doit pas elle n'est pas acceptée, mais il doit quand même la faire. Lui, bien sûr, il doit la faire même si elle n'est pas acceptée. Et toi, inshallah, ta salat est sahiha. Donc, tout le monde sait que ce ne sont pas les kuffars s'ils prennent l'autorité. Donc, tout le monde sait. Comment tout le monde sait? Je n'ai pas compris ce que ça veut dire tout le monde sait. Je te donne le micro, inshallah, une deuxième fois. Tfadlat. Salam alaikum. Jazakallah khair, cheikh. Là, tout le monde dit, je me suis trompé. Tout le monde dit. Yani, tous les ulama ils disent que ce n'est pas des kuffars s'ils prennent l'autorité ou là. Et barakallah fik, madame a tenu le micro. Elle a le calife kawniya. Cheikh, est-ce qu'il y a une différence entre le calimat kawniya et l'ayat kawniya? Barakallah fik. Alaykoum salam. Justement, la fois passée, quand on a parlé de ayat kawniya, calimat kawniya, ensuite, quand, bien sûr, la nuit, j'y ai pensé, j'ai commencé à me questionner moi-même. Je me suis dit, est-ce que je lui ai parlé de Ayat Kouniya ou de Kalam Kouni? Parce que Cheikh Ibn Outhaymin, quand il explique Cheikh Al-Aqidah Al-Wasitiya, il parlait de quoi? Il parlait de Ayat Kouniya. Ayat Kouniya et Ayat Shariya. Moi, je t'avais répondu pour Kalam Kouni ou Kalam Shari. Je crois que c'est comme ça, Naam. C'est pour ça que, moi en fait, dans mon cœur, je parlais de Ayat Kouniya. C'est pour ça que, et Sharaïa, c'est pour ça qu'en ce qui concerne la parole, laisse Inch'Allah Ta'ala pour la prochaine fois pour voir s'il y a une différence entre les deux ou pas. Je pense qu'il n'y a pas, mais Khalini pour être sûr, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et enfin, pour est-ce que tout le monde dit que ce ne sont pas des kuffars s'ils prennent l'autorité? Non, mais tous les savants, disons, disent que, Yanni, tu fais la prière derrière eux quand ils prennent l'autorité. Reste maintenant s'ils sont koufars ou pas, l'islam te dit de faire la prière derrière lui. Comme, qui c'est notre premier modèle ici? C'est Othman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu. Othman ibn Affan, qui l'a encerclé? Ce sont les Khawarij. Ce sont eux qui l'ont encerclé. Ils sont venus, le grand chef est venu d'Égypte. Bishr al-Kinani. Il a ramené avec lui des milliers et des milliers. Et Othman ibn Affan a dit, on lui a dit, est-ce qu'on fait la salat derrière lui? Il a pris ta place dans la mosquée, c'est lui qui guide, le grand chef, le Khariji, il a dit oui, faites la prière derrière lui. Maintenant, s'il est koufar ou pas koufar, l'islam te dit de faire la prière derrière lui. C'est un statut spécial, le statut où il a pris la chose de force. Il a pris les reins du pouvoir de force. Naam. Wallahu ta'ala alam. Donc, je continue, inshallah ta'ala, car je vous avais donné le micro. Et puis ensuite, je me suis rappelé qu'il y avait des questions ici. Donc, pour le rendez-vous téléphonique, Inch'Allah Ta'ala, si je n'oublie pas, demain c'est quoi? Si je n'oublie pas, Inch'Allah Ta'ala, demain après Salat al-Asr. Si je n'oublie pas, demain, Inch'Allah Ta'ala, vers 4h, Inch'Allah, vers 16h. Inch'Allah Ta'ala. Pas de problème, Inch'Allah Ta'ala, pour avoir pris le micro. Au contraire, yani, quand quelqu'un prend le micro, c'est plus facile pour nous tous. Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, pour... Le hadith qui dit « Si la pauvreté était un homme, je l'aurais tué. » C'est pas un hadith. Naam, c'est pas un hadith. Si c'est un hadith, c'est un hadith qui est menti ou bien infâme. Si la pauvreté était un homme, je l'aurais tué. C'est très connu comme quoi c'est un hadith. Alors qu'il n'a rien à voir avec les hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Pour la personne qui a dit que l'imam interdisait la femme qui avait les menstrues, etc., pour assister au cours, etc., etc. Réponse, cet imam, je ne suis pas censé lui dire si j'ai les menstrues ou si je ne les ai pas. Alors, alhamdoulilah, yani, qu'il n'y a pas de visite ni de contre-visite. Non, je rentre directement dans la mosquée et c'est mes affaires. À moi, c'est moi qui suis convaincu de cette chose. Naam. Quant à, il n'accepte pas les nasiha, etc. Naam. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et en principe et en général, la règle dit que quand quelqu'un est comme ça, c'est qu'il n'est pas du minhaj. c'est impossible que quelqu'un soit du minhaj et n'accepte pas yani les quoi, n'accepte pas les conseils. Mais ce sont la plupart du gens, quand, la plupart du temps, quand ce sont des soufis, des ikhwan, des tablir, des kda, yani, il n'est pas dans le minhaj, c'est pour ça, ça lui est difficile qu'il accepte les nasiha. Il va dire comment une autre personne va m'apprendre. C'est moi le plus savant ici, dans cette ville. Comment yani, quelqu'un maintenant va assister chez moi, prendre des cours, celui-là, il va me donner des conseils. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Et enfin, est-ce que quand Allah Ta'ala est en colère contre un musulman, est-ce que yani, il le châtie dans cette dunya ou pas? Cela dépend. Cela dépend. Si Allah Ta'ala aime une personne, hein, quand Allah Ta'ala aime une personne, il lui veut du bien, il le châtie ici avant l'au-delà. S'il n'a pas fait la touba, par exemple, ou là, si c'est quelqu'un yani, qui fait des péchés, etc., non, si Allah Ta'ala le laisse jusqu'à l'au-delà, c'est pas bien. Car là-bas, c'est vraiment difficile. Mais si Allah Ta'ala te donne ici un malheur, par exemple, non, ça veut dire qu'il t'a voulu du bien. Sinon, comme dit Cheikh l'Islam, il dit, des fois, yani, le musulman est châtié dans sa tombe. Dans sa tombe, alhamdoulilah, en secret, personne ne le sait. Mais si c'est demain, devant les gens et devant les témoins et devant tout le monde qui te voit, déjà cette honte en elle-même devant les gens, c'est quoi? C'est en elle-même un châtiment. Et il y a un hadith, Cheikh l'Albani, rahimahullah, a dit authentique, où il s'est passé que s'est passé quoi? Il s'est passé que un compagnon radiallahu ta'ala anhu a rencontré une femme qu'il connaissait quand elle était dans le coffre. Et cette femme qu'il connaissait, naam, quand elle était dans le coffre, c'était une fille, ce qu'on appelle une fille de joie. Une fille de joie. Et ce compagnon, quand il l'a rencontré dans la rue, bien sûr, il ne savait pas qu'elle avait fait taouba ou là. Et tout en lui parlant, yani, comment ça va, là, tout en lui parlant, il a mis comme ça sa main sur elle, sur son épaule, sur sa tête, je ne sais pas où. Hein, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a dit, yani, en ce sens, enlève ta main. Elle lui a dit, maintenant c'est l'islam, yani, ce n'est pas autrefois, yani, maintenant c'est l'islam. Quand il lui a dit cette phrase, par là, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est détaché d'elle, bien sûr, et il a commencé à yani, il s'est détourné et il l'a quitté. En marchant comme ça, il a marché quelques pas, il s'est retourné vers elle, tellement yani, la phrase lui a fait un impact sur son cœur. Et tout en marchant, il regardait derrière lui, et il s'est cogné contre un mur. Il s'est cogné contre un mur. Ensuite, ce compagnon, radiallahu ta'ala anhu, est allé chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a raconté ce qui s'est passé. Regardez l'ikhlas, la sincérité. Naam, il veut chercher c'est quoi, yani, c'est quoi, yani, comment on dit ça, yani, comment sortir du problème qu'il vient de faire. Il ne dit pas, ikhlas, c'est entre moi et Allah. Naam, mais il va au messager d'Allah, il lui raconte, il lui a dit, voilà, yani, j'ai rencontré une femme, j'ai mis ma main sur elle. Je me suis cogné, etc. Et il s'est cogné, il a eu mal, hein, il a eu mal à la tête. Ici, le témoin du Dars, le messager A.S.A. lui a dit, tu es une personne que Allah Ta'ala veut du bien, à laquelle Allah Ta'ala veut du bien, ou quelque chose comme ça. Il lui a dit, car quand Allah Ta'ala veut du bien d'une personne, il lui a dit, il lui donne, yani, disons, son châtiment ici. Et quand Allah Ta'ala ne veut pas du bien d'une personne ou lui veut du mal, il la laisse avec ses péchés jusqu'à ce qu'elle le rencontre. Hadith authentifié par Cheikh Al-Albani. Donc vous voyez, des fois, Allah Ta'ala, quand il nous donne ici yani un malheur ou là, on doit dire Alhamdulillah, il nous a donné ici, pas dans l'au-delà. Dans l'au-delà, c'est vraiment grave. Naam. Voilà, Inch'Allah, pour la réponse. Tfadla. Donc la question suivante, Inch'Allah. Question de Oumou Suleyman. Salamu alaykoum, cher. Qu'Allah vous comble de ses bienfaits. Naam, tfata, cher. Naam, j'ai pris le micro parce que je me suis rappelé une chose assez importante, Inch'Allah Ta'ala. C'est qu'un frère, qu'Allah Ta'ala lui bénisse son argent, m'a renouvelé mon abonnement de l'Internet. Monsieur de l'Internet, mon abonnement sur le Paltalk. Car ici, d'Algérie, on n'a pas accès au Paltalk. Non, que si on paye de l'argent. C'est pour ça que mon pseudo est bleu. Mais celui-là, bien sûr, me l'a renouvelé en vert. Alors que moi, je me vois en bleu. Alors je me suis dit que peut-être que à minuit, parce que aujourd'hui c'est mon dernier jour d'abonnement. Et normalement, même le bleu, je ne l'ai pas. Alors que j'ai le bleu, il est minuit moins 2 minutes chez moi. Donc si jamais à minuit, yani vous voyez que je ne suis pas là, ça veut dire que mon abonnement est terminé et que normalement je commence avec le nouveau, avec le vert. Mais Allahu alam, si à minuit vous ne me voyez pas, vous attendez un peu, si je ne peux pas rentrer, ça veut dire que mon abonnement est terminé, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, jusqu'à ce que je puisse rentrer avec le vert. Et le vert, c'est, comme vous savez, plus cher que le bleu. Mais le frère a voulu que ça soit avec le vert. Moi, j'ai dit que le bleu suffisait. Il dit non. Il a même, ce frère a même, subhanallah, a même fait un abonnement sur le violet. Vous savez, le violet. Le violet, c'est le plus cher. 4 fois. 4 fois plus cher que le bleu. Et subhanallah, il a fait l'abonnement. Et ensuite, hier, on l'a remboursé. On lui a dit, parce que cette personne, yani, ne peut pas rentrer d'Algérie. D'Algérie, il n'y a aucun, yani, des pays arabes, personne ne peut rentrer avec un violet. Le violet, c'est seulement pour ceux qui sont en Europe et en Amérique, en Australie, et comme ça, le violet. Et le violet, j'ai dit, 4 fois ou 5 fois plus cher que le bleu. Ce qu'il a de bien le violet, même si c'est pas rien important, mais ce qu'il a de bien, puisque le frère a insisté qu'il fasse le violet, ce qu'il a de bien, c'est la bannière. Vous voyez maintenant où c'est écrit en haut, apprendre l'islam sur le vrai, là, Honor Ibn Taymiyyah, tout là-bas, yani, tu peux faire une bannière et yani, faire, c'est comme un film. Par exemple, tu montres là-bas ce que tu veux en vidéo. Tu montres, tu écris des choses, Menhaj Salafi, les chiites, ta pension à X, à Y. Avec il est 0 heure. Non. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on continue, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Une bannière animée, voilà. Une bannière animée. Donc, on continue, on va voir ce qui s'est passé. Si on va me mettre la veste verte, ou bien je vais rester bleu, ou bien on va faire sortir du paltok. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Fadal. Salam alaykoum, cher. Vous m'entendez, Inch'Allah? Juste pour vous dire que, pour revenir à la question qui vous a été posée tout à l'heure à propos de la venue de Sidna Issa, Jésus alayhi salam, quand il va revenir à la fin des temps, et les chrétiens, Inch'Allah, à la fin du cours, quand vous aurez fini vos questions-réponses, je vous donnerai quelques informations concernant cet événement qui, Inch'Allah, vous permettra de compléter votre réponse. Barakallahu fikoum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, cher, si vous êtes déconnecté, Inch'Allah, vous me le dites sur le InSpeak. Dans le pire des cas, vous me le dites sur le InSpeak. Comme ça, je le saurai, Inch'Allah. Donc, c'est la question de Moussa Salam alaikum, cher, qu'Allah vous comble de ses bienfaits. Ma question porte sur la division en trois catégories des indications des noms et attributs d'Allah. Bi mutabaka par correspondance, bi tadammun par inclusion, bi iltizam par implication. Pourriez-vous m'expliquer ces termes? Car cela fait plus d'un mois que je bloque sur ce sujet. Barakallahu fikum à vous et aux admins. Wa fikum baraka. Question de Aïssa Lafine. Salamu alaykoum, cher. Voilà, une nouvelle tendance est apparue. Elle consiste à sortir les personnes de Ahlul Sunnah. À tout va, exemple, la personne qui ne porte pas la barbe, n'a pas le pantalon au-dessus des chevilles, la sœur qui ne porte pas le djilbab, etc., etc. Pouvez-vous nous conseiller en ce sens, cher Barakallahu fikoum, wa ahsanallahu ilaykoum? Question de Fafa 82. Salam alaykoum ya cher. Pouvez-vous me dire quand peut-on dire que le gouverneur fait un coup clair? Est-ce que le fait de délaisser des bases, de laisser des bases militaires américaine dans les pays musulmans fait partie d'un coufre, tout en sachant que les Américains peuvent faire cela pour mieux avoir la main sur le monde et peuvent se retourner contre ce pays ou d'autres voisins. Barakallahu fikoum, qu'Allah vous guérisse. Donc on passe sur le InSpeak. La question de, je sais pas si Oum Souleymane, je sais pas si la question est déjà passée. Non, donc elle est déjà passée. Les personnes dont les questions sont déjà passées, barakallahu fikoum, baissez la main, inshallah. Car c'est assez difficile de retrouver les personnes qui n'ont pas encore posé leur question. Donc, Oum Khadija, je ne vois pas votre question. Non, donc la question ne fait ni partie de la Aqidah, ni du Minhaj, ni de la Salat. Donc, question de Karima 99. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais juste une précision concernant les réponses du cheikh. Je pensais qu'il ne fallait pas faire deux rak'at en allant à la mosquée le jour de l'Aïd. Donc je voudrais avoir une précision car je n'ai pas vraiment entendu sa réponse. Question ensuite de question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yachir. Je pense que vous en avez déjà parlé. Un frère exige de sa femme. Un frère exige de sa femme qu'elle porte le voile tout le temps à la maison, car ce serait plus pudique envers les anges. Ceci est-il une base dans la religion? Barakallahu fikoum. Et cher, la personne qui vous a posé la question tout à l'heure, qui est atteinte du sihr, sur le fait de regrouper les salats, elle demande, lorsqu'on regroupe les salats, est-ce qu'on doit faire salat dhuhr et l'asr au moment où le dhuhr arrive, ou alors attendre le asr et faire le dhuhr et l'asr au moment du asr? Pareil pour le maghrib et l'aïcha. Est-ce qu'on fait le maghrib et l'aïcha au moment du maghrib, ou alors on attend salat et l'aïcha et on fait le maghrib et l'aïcha au moment de salat et l'aïcha? Tfadashir. Alaykoum salam, j'ai pas compris deux choses. La première, c'est la première question. Je n'ai pas bien compris ce qu'est-ce qu'il a dit. Yani, il a dit premièrement. Et deuxièmement, est-ce que je lui réponds en arabe ou en français pour la première question? Et la deuxième, c'est la deuxième question. Il a dit, certains en quoi ont tendance à faire sortir d'où? Je n'ai pas compris de quoi. De l'islam ou là d'où? Fadlal. Il les fait sortir de Ahl Sunna chez le cher. Parce que par exemple, si j'ai pas la barbe ou si je porte pas la camis, alors je suis pas salafi ou je fais pas partie de Ahl Sunna ou le Jama'a. Et pour la première question, la réponse en français, cher. En français, inch'Allah. Très bien, cher. Non, je voulais dire, c'est pas seulement pour la réponse, est-ce qu'elle est en français ou en arabe? Qu'est-ce qu'il a dit aussi? Qu'est-ce qu'il a dit aussi? Ah, Michel, je vous ai posé et je vous ai collé la question, Inch'Allah. Comme ça, vous comprendrez mieux directement, Inch'Allah. Très bien, cher. Avant de répondre, Inch'Allah Ta'ala, Abou Marwan, c'est quoi, Inch'Allah Ta'ala, ce que tu voulais dire sur ce qui a rapport avec Issa alayhi salam? Dis-le au micro, tafadhal. Assalamu alaikum. Vous m'entendez, Cheikh? Est-ce que vous m'entendez, Inch'Allah? Est-ce que vous m'entendez, Bidni? Il a écrit numéro 1, voilà, mashallah. Donc, parce que, en fait, j'avais suivi un cours sur le Dajjal, le Masih el-Dajjal, et la venue de Sidna Issa alayhi salam. Et en fait, il s'avère que nous, les musulmans et les chrétiens, on est d'accord sur une chose. Il y a une chose que les chrétiens ils disent et que nous les musulmans on dit, et nous et eux on est d'accord sur cette chose. C'est quoi cette chose? C'est qu'il y a deux qui vont venir. Un que eux ils l'appellent l'antéchrist, nous on l'appelle le Dajjal, et un que on l'appelle nous Sidna Issa alayhi salam, eux ils l'appellent Jésus. Et nous et eux on est d'accord que le vrai, il va tuer le faux. Est-ce que c'est vrai ça, cher? Est-ce qu'il y a un hadith où le prophète sallam il nous informe que si Isa alayhi salam il va tuer d'un coup de couteau dans le cœur le Dajjal, c'est lui qui va le tuer en personne, de ses propres mains. Naam, c'est vrai. Et ben les chrétiens aujourd'hui, si vous les questionnez, vont vous dire oui, Naam, dans la Bible et tout, c'est marqué que le vrai, celui qui était venu à l'époque, quand il va revenir, il va tuer l'Antéchrist d'un coup de couteau dans le cœur. Donc sur ça, nous et eux, on est d'accord. Mais regardez et suivez ce que je vais dire parce que c'est un petit peu embrouillant. Regardez. Nous, il y en a un, c'est le vrai. Il s'appelle Jésus. On va l'appeler comme ça, A. Il va venir. Lui, il va être musulman. Il va aller à la mosquée. Il va lire le Coran. Il va être de la religion islamique. Il va dire aux gens, vous savez le Jésus qui est venu avant, à l'époque, dans cette ville-là, ben c'est moi. Que ceux maintenant ils disent qu'ils ont dit moi je suis le Dieu, je suis le fils de Dieu et tout. C'est pas vrai. J'ai jamais dit ça. Quand je suis venu avant, j'ai jamais dit ça. Aujourd'hui je suis revenu, je vous confirme que j'ai jamais dit ça. Et cet homme qui est venu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un vrai prophète. Il faut suivre, il faut lire le Coran, il faut apprendre l'islam, il faut être un musulman. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un Dajjal, il va venir, qu'on va l'appeler B, suivez bien. Lui il va venir, qu'est-ce qu'il va dire aux gens? Il va dire, non, vous savez, le Jésus qui est venu avant, c'est moi qui étais venu avant. La preuve que c'est moi, vous savez où elle est la preuve? Quand je suis venu avant, j'ai ressuscité le mort. Eh bien, aujourd'hui, regardez, je vais ressusciter le mort. Avant, quand je suis venu, j'ai redonné la vue à l'aveugle. Regardez, aujourd'hui, je vais redonner la vue à l'aveugle. Avant, quand j'étais sur terre, j'ai fait entendre le sourd. Ramenez-moi un sourd, je vais faire entendre le sourd. Vous avez compris ou pas, cher? Donc, ça fait que les chrétiens, ils vont plus savoir c'est qui le vrai, c'est qui le faux, jusqu'à ce que quand ils vont voir que le Dajjal, il va faire revivre le mort, voir l'aveugle, entendre le sourd, ils vont dire c'est lui le vrai. Et ils vont dire que le Jésus, là, des musulmans, c'est lui le Dajjal, lui c'est le faux. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer l'inévitable. Il va se passer que le Jésus, qui est musulman, le vrai, il va tuer le Dajjal, qui est le faux. Donc, les chrétiens vont se retrouver en contradiction, bloqués. Deux choses. Soit la Bible elle a dit la vérité, et si elle a dit la vérité, eh ben celui qui est encore vivant, c'est le vrai. Et si c'est le vrai, il faut le suivre parce qu'il nous dit qu'il faut être musulman. Soit celui qui est encore vivant, c'est un menteur. Et si c'est un menteur, ça veut dire que notre Bible elle est fausse. Et si elle est fausse, eh ben notre religion elle est fausse. Donc ils vont se retrouver bloqués. Ils n'auront pas le choix. Soit tu acceptes que la Bible elle a dit la vérité et tu dois être un musulman. Soit eh ben, tu n'acceptes pas la réalité qui s'est passée, que cet homme-là il a tué l'autre et ta Bible elle est fausse. Dans tous les cas, leur religion elle va s'effondrer comme du sel dans de l'eau. C'est ça le détail que je voulais vous donner et c'est très important. Barakallahu fikoum, salam alaikum. Non, est-ce que vous m'entendez, Inch'Allah? Je ne vois pas. Alhamdulillah. Donc, en fait, de loin. Non, vous m'entendez de loin? Non, il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé. Taïb, attendez, je vais. Je laisse le micro et je le reprends. Est-ce que vous m'entendez maintenant ou bien de loin, toujours? Vous m'entendez ou bien de loin? Toujours de loin. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Taïb, je sors du salon et je reviens, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Là, si vous m'entendez. Bien ou là, comme tout à l'heure? C'est bien ou là, c'est comme tout à l'heure? Muslim. Alhamdulillah, on va voir. De toute façon, il ne reste pas beaucoup de temps, Inch'Allah. En ce qui concerne ce qu'a dit Abu Marwan, là, je suis d'accord. C'est que viendra d'abord le faux Messie. Et c'est celui-là que les chrétiens suivront, bien sûr. Ensuite viendra le vrai Messie qui s'appelle qui? qui s'appelle Isa alayhi salam qui tuera le faux messie qui s'appelle Messie Dajjal. Seulement, je ne suis pas d'accord en une chose, quand il a dit que il le tuera yani d'un coup de couteau dans le cœur. Dans le cœur, je ne connais pas cette chose. Non, je ne connais pas. Le hadith a dit qu'il allait le frapper d'un coup de sabre. Et que, déjà, quand il verrait, quand l'antéchrist, Messie Dajjal, va voir Isa alayhi salam, qu'on appelle Jésus, quand il va le voir, déjà, il va fondre. Non, il va fondre, il a dit, qu'on fend le sel dans l'eau. Qu'on fend le sel dans l'eau. Pour revenir à nos questions, inshallah ta'ala, la personne avait dit, il a dit qu'elle, attendez, je vais d'abord lire qu'est-ce qu'elle a dit. Je vais d'abord lire qu'est-ce qu'elle a dit, inshallah ta'ala. Donc, pour lire, je dois arrêter ça avec une chose, pour que ça ne monte pas, pour que la page ne monte pas. Non, auto-scroll, allez, je vais l'arrêter. Je vais monter en haut pour dire, il a dit, ah, Afwan, je ne peux pas trouver parce que je viens juste d'ouvrir la page. Est-ce que tu as ce qu'il a dit sur, il a dit Delalet. Est-ce que tu as Delalet, les trois Delalet. Tadamon, le Mutabara, ou Tadamon, ou l'Iltizam. Car il les a traduits en français pour que je lui parle un peu en français, car je... C'est difficile d'expliquer ça en français. Tfadal. Voilà. Ma question porte sur la division en trois catégories des dalala. Dalalet et on dit aussi dilalet. Indication. Des noms et des attributs d'Allah. Bilmutabaqa par correspondance. Bitadamun par inclusion. Biltizam par implication. Non. Par correspondance, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Car ce n'est pas le sens de l'arabe. Ce n'est pas le sens de l'arabe. Naam. Regardez, je vais vous expliquer un peu pour que... Et c'est difficile, mais je vais essayer, c'est tout. Parce que vraiment, en français, c'est difficile. Donc, les indications se divisent en trois. Mutabara, ensuite tadmon et iltizam. Mais mutabara, je ne suis pas d'accord pour dire correspondance. C'est quoi mutabara? Regardez. Si je vais dire, par exemple, j'ai un appartement hein, qui a, par exemple, deux pièces, un salon, une cuisine et la salle de bain et les toilettes. Hein. Maintenant, en parlant de mon appartement, si je dis qu'il a deux pièces et je dis mon appartement comprend deux pièces, un salon, la cuisine et... Je ne sais pas si j'ai dit tout à l'heure les toilettes ou j'ai dit la salle de bain. Dans ce cas, naam, cette indication, ça s'appelle mutabara. Mutabara, ce n'est pas la correspondance. Naam. Mutabara, ça veut dire... Ah, naam, correspondance. Alors, j'ai compris que ça veut dire correspondance. Ça veut dire, naam, ce n'est pas correspondance, yani envoyer des lettres, etc. par correspondance. Ça veut dire ça correspond exactement à ce que j'ai. Naam. Donc, je répète. Moi, j'ai deux pièces, un salon, une cuisine et par exemple la salle de bain. En parlant de ces choses à la fois, hein, ça s'appelle par correspondance, c'est-à-dire j'ai cité tout ce que j'ai. C'est l'indication par correspondance. Si en parlant de ma maison, je dis j'ai une cuisine. Est-ce que moi c'est vrai j'ai une cuisine ou j'ai pas? J'ai une cuisine. Mais est-ce que j'ai seulement une cuisine ou bien j'ai d'autres choses? J'ai parlé de ces autres choses, j'ai pas parlé, j'ai choisi la cuisine. Ça s'appelle, ici, comment vous dites ça en français, attendez, ça s'appelle bitadamun, par inclusion. Par inclusion. Naam. Donc, par inclusion, c'est lorsque on ne cite qu'une chose de beaucoup de choses qu'on a. Une chose de beaucoup de choses qu'on a. Et par iltizam, la troisième, si on parle de, ça s'appelle par inclusion. La troisième, par inclusion, bitizam, c'est lorsque on ne parle pas du tout d'une chose, mais on la comprend seulement avec notre esprit. Je donne un exemple. Par exemple, en parlant de ma maison, si je vais dire, par exemple, j'ai une cuisine ou là, et en parlant de ma maison, je n'ai pas parlé du maçon. Mais est-ce que vous avez compris qu'il y a un maçon qui a construit, vous n'avez pas compris. C'est obligé. Mais le maçon a été cité. Yani, par correspondance ou là, par inclusion ou bien par implication. Il a été cité par yani, implication. Ça implique que toute maison doit au préalable être construite ou construite par un quoi, un maçon. Maintenant, si on allait à la aqida, c'est plus important maintenant. Qu'est-ce que ça a à voir avec la cuisine, etc. Nous, on va parler de la aqida. Si on va dire, par exemple, regardez, je vais dire, par exemple, Al-Khaliq, le créateur. Ça, le créateur. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot créateur, dans le nom créateur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Allah Ta'ala et il y a quoi? Il y a l'attribut de la création. Ça, il y a l'attribut de la création. Ici, ce n'est pas l'attribut de la miséricorde, ni l'attribut de la descente d'Allah, ni de sa venue, ni de son rire. L'attribut ici, c'est quoi? C'est l'attribut de la création. Et il y a qui? Il y a Allah. Car Allah, ce n'est pas seulement la création, c'est beaucoup de choses. Donc ici, Allah, yani, zet, ism aussi. Et la création ici, c'est par quoi? C'est par mutabara. Mutabara, qu'on a vu en français tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a dit, comment on s'appelle mutabara? C'est par correspondance. Naam. La création ici. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, c'est par quoi? Par correspondance. Les deux. Il y a les deux. Mais maintenant, si je parle, par exemple, seulement de la création. Je parle de l'attribut de la création où je parle seulement yani, de Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, yani, je parle sans parler d'un attribut. Je parle par exemple ici de la création. Je parle de quoi? Je suis en train de parler d'une chose par indication, naam, tadammun, c'est-à-dire par inclusion. Naam. Parce que vous connaissez la aqida que tout nom a un attribut. Tout nom a un attribut. Si je parle seulement de l'attribut, je n'ai pas parlé du nom. Ça veut dire que je parle par tadammun. Parce que chaque nom a un attribut. Mais si je parle des deux, je parle du nom et je parle de son attribut, ça veut dire que j'ai parlé par correspondance. Mais si je parle d'un seul des deux, ça veut dire que j'ai parlé par tadammun. J'ai parlé par tadammun, par inclusion. Comme tout à l'heure, en parlant de ma maison, j'ai parlé seulement de la cuisine. Ou bien, je parle seulement de mon salon. Ou bien, je parle seulement de ma salle de bain. Ça, c'est par inclusion. Car ça inclut. Naam. Inclusion, c'est ça, tadammun. Attends, par inclusion, naam. Mais si je parle de tout ce que j'ai, c'est par correspondance. C'est ici la même chose pour la aqida. Si tu parles d'Allah Ta'ala de lui-même et tu parles de son attribut, hein, tu as parlé de quoi? Tu as parlé par correspondance. Mais si tu parles seulement, par exemple, de son attribut, tu parles par inclusion. Et reste la dernière, si tu parles maintenant, yani, par itizam, par implication, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, tu parles de la maison, alors que, yani, dans ta tête, yani, tu parlais du maçon. Le maçon, on va le comprendre par inclusion, je ne l'ai pas cité. La même chose ici. Quand je parle d'Allah Ta'ala, je dis par exemple, c'est le créateur. Non, je n'ai pas dit que c'était le miséricordieux, ni j'ai dit qu'il descendait chaque nuit, ni j'ai dit qu'il riait, ni j'ai dit qu'il a deux mains. Toutes ces choses-là, vous allez les connaître par quoi? Par indication, troisième, qui s'appelle par implication. En parlant d'Allah, ça implique qu'il a telle et telle chose qui n'ont pas été citées. Donc l'implication, c'est pour les attributs et les noms qui ne sont pas cités. Naam. Et la correspondance, c'est pour tout ce qui est cité. Et l'implication, c'est lorsqu'on cite certaines choses sans citer toutes les autres. Voilà, inshallah ta'ala, la réponse. C'est difficile en français, mais yani, C'est tout ce que je peux dire, Bidna. Si c'était en arabe, ça aurait été plus facile, bien sûr. Ensuite, il dit pour ceux qui disent que, yani, il y a des gens qui disent que celle qui ne met pas le djilbab, etc., ou celle qui ne met pas le qamis, il sort du minhaj. Moi, je dis, Wallahu ta'ala alam, personne n'a le droit de faire sortir quelqu'un, yani, du minhaj. Naam. Personne n'a le droit de faire sortir quelqu'un du minhaj. Sauf si quoi? Si la personne fait des choses, naam, qui la font sortir? Ce n'est pas moi qui commande. Si la personne fait des choses qui la font sortir. Ensuite, beaucoup de personnes ne font pas la différence entre yani minhaj et entre yani faire des péchés. Est-ce que vous croyez qu'un salafi ou une salafie ne fait pas des péchés? Est-ce qu'un salafi, ça veut dire que yani, il n'a jamais regardé une femme avec plaisir, mais il n'a jamais regardé peut-être une action qui n'est pas bien, peut-être n'a jamais menti. Vous croyez que c'est ça? Sûrement que ce n'est pas ça. Donc il faut bien faire la différence entre quoi? Entre Naam, entre yani, faire des péchés, entre sortir du minhaj. Sortir de la salafia, c'est quoi? C'est lorsque yani, on a des choses qui vont carrément à l'encontre du minhaj. Et que maintenant, on préfère, par exemple, les tablighis, on préfère yani, les habèches, on préfère ça, on fait leur dawa. Voilà quelqu'un qui n'est pas du minhaj. Quant à yani, faire des fautes, quant à faire des fautes ou des péchés, ça ne fait pas sortir du minhaj, bi'idhnillahi ta'ala. Autre chose. Muslim, je ne vois pas où tu es. Je ne vois pas où tu es pour le PV. Pour le gouverneur qui fait kufr clair. Qui fait kufr clair. Naam. Je dis. Naam. Le hadith a dit qu'il devenait kafir s'il faisait un kufr bawah. Bawah. Et on a des burhan, des adillah de Allah Azzawajal. Des adillah de Allah Subhanahu Azzawajal. Donc, il faudrait que ce soit des choses où il n'y a pas de divergence. Quant à faire venir, par exemple, comme il dit ici, faire venir l'armée américaine ou autre chose. Ça ne rentre pas dans le coffre jusqu'à ce que il les fasse venir pour combattre les musulmans. Si un gouverneur dit, je vais faire appel à Bush, ou bien, comment qui s'appelle celui qui est maintenant, ou à Obama, je vais faire venir son armée chez moi pour qu'il combatte les musulmans. Celui-là, il est quoi? Celui-là, il a fait un coffre clair. Non, il veut quoi combattre le dîn. Mais si quelqu'un dit, je vais faire venir ici l'armée des kofars, pourquoi? Par exemple, pour m'aider. Parce qu'il y a des kofars ou des musulmans, même si c'est des musulmans, qui veulent quoi? Qui veulent, par exemple, yani, rentrer dans mon pays et me le prendre. Non, comme à peu près ce qu'a fait Saddam. Ce qu'a fait Saddam quand il est rentré au Koweït. Il a dit, hein, enfin, il n'a pas dit, il est rentré et il a fait quoi? Il a colonisé le Koweït pendant je ne sais pas combien de mois. Leurs soldats, les soldats de Saddam, ont violé des centaines de femmes, des Koweïtiennes et des filles, et ont volé l'argent, et ont fait des choses que Allah Ta'ala a inscrites, hein, que Allah Ta'ala va lui montrer et le jour de la Qiyamah ce qui s'est passé. Hein, si je sais que je ne peux pas faire sortir celui-là, qu'en faisant appel à des kofars, c'est pas interdit, au point où les savants ont dit c'est même permis de leur donner de l'argent. Lisez ça dans Abwab al-Jihad, le fiqh du Jihad, où il est dit qu'il est permis de faire appel à un kafir, naam, pour m'aider, quitte à lui donner de l'argent, à condition que mon but n'est pas qu'il vienne m'aider pour tuer l'islam, pour combattre l'islam, mais pour combattre cette personne, que ce soit une musulmane ou un kofar, un musulman qui vient moi, qui rentre chez moi, qui me prend mes filles et ma femme et mes enfants et tout ce que j'ai. Celui-là, c'est quel genre de musulman? C'est un pieux ou un pervers? C'est un pervers. Celui-là, si je le laisse, il va quoi? Il va yani, faire plus que peut-être ne fait un kafir. Celui-là, si je fais appel à un kafir pour m'aider, ce n'est pas interdit. Et le messager d'Allah lui-même s'est fait aider par des kuffars. Il s'est fait aider de qui? De Abdullah ibn Urayqat. C'est lui qui lui a montré comment sortir de la Mecque pour se sauver vers Médine. C'est un kafir qui l'a aidé. Il a envoyé aussi des kuffars espions, espions chez des kuffars pour lui ramener ce qui se passe là-bas chez les kuffars. Il a demandé de l'aide à un kafir, il lui a prêté son bouclier. Non. Mais quand je demande de l'aide à un kuffar, un kafir, ce n'est pas pour quoi? Ce n'est pas pour y aller combattre l'islam, mais pour combattre des gens, que ce soit des kuffars, que ce soit des musulmans pervers, qui veulent yani, me faire vraiment du tort, me léser et yani, me pousse à me défendre. Non. Maintenant, quand quelqu'un fait appel à un kafir, de nos jours, bien sûr, il faut savoir les conséquences, car le kafir ne va pas yani, partir facilement ensuite de toi, de chez toi. Il ne va pas te quitter facilement, il va dire, j'ai trouvé où mettre le pied, non, maintenant je vais pas quitter facilement. C'est pour ça que si quelqu'un vraiment se trouve dans vraiment le besoin et la nécessité de faire appel à un kafir, parce qu'il a fait appel à des musulmans, personne ne veut l'aider, s'il est vraiment en danger, il faudrait qu'il mette des conditions. Des conditions comme quoi, yani, juste la chose terminée. Yani le contrat s'annule, et comme ça. Non. Pour la salat de 2 rak'at pendant l'Aïd. Pendant l'Aïd. J'ai dit tout à l'heure, le messager d'Allah, en son époque, on ne faisait pas salat l'Aïd dans la mosquée. C'est pour ça qu'il a dit, il n'y a pas de nafila. Il n'y a pas de surérogatoire. C'est-à-dire, quand on va faire la salat, si c'est dans un musalla, pas dans une mosquée, on ne fait pas quoi? On ne fait pas les 2 rak'at parce qu'on n'est pas dans une mosquée. Mais si par contre on est dans une mosquée comme de nos jours, la plupart sont dans des mosquées, dans ce cas, je suis obligé, d'après l'avis le plus fort, de faire quoi? De faire yani, les 2 rak'at. Car ces 2 rak'at, à chaque fois qu'on rentre dans la mosquée, on doit les faire. Que ce soit un vendredi, que ce soit n'importe quel moment. Non. Donc, le hadith qui dit qu'il n'y a pas de nafila, il veut parler de si on l'a fait dans un musalla. Non. Mais si on est dans une mosquée, on n'a pas fait de nafila. On a fait seulement tahiyat al-masjid, c'est une salat spéciale à la mosquée. Aucune personne ne peut s'asseoir sans avoir fait les 2 unités de prière, inshallah ta'ala. Reste pour l'homme. Non. Pour l'homme qui exige à sa femme de se voiler à la maison. De se voiler à la maison à cause, il dit, pour yani, respecter les anges, etc. Cette femme devrait lui dire à son mari, arrête de faire des bid'a, mon cher. Non, mon cher, arrête de faire des bid'a. Tu vas rentrer à Jahannam. Tu veux me faire rentrer avec toi à Jahannam. Non. Aucune des femmes du temps du prophète, sallam, non, n'a mis le voile lorsqu'elle était seule. Le voile, ce n'est pas pour les anges. Le voile, c'est qui? Le voile, c'est pour les hommes étrangers, c'est tout. Car l'ange, naam, subhanallah, Allah Ta'ala a fait de sorte que il n'est pas intéressé par ces choses. C'est l'homme qui est intéressé, il veut voir la femme. C'est pour ça qu'elle doit se cacher devant lui. L'homme n'a pas l'ange n'a pas cette tentation. C'est pour ça que quand il est là, il n'est pas là pour regarder la femme. Même si elle est dénudée, il ne la regarde pas. Ce n'est pas sa fonction. Sa fonction, c'est d'écrire ce qu'elle fait et d'écrire ce qu'elle dit. C'est tout. Donc le fait de porter le voile, même si la femme est seule, ça, à cause des anges, la honte d'eux, etc., ça rentre dans la bida. Ça rentre dans la bida. Pourquoi? Parce que elle a légiféré. Une chose que Allah Ta'ala n'a pas légiféré. Est-ce que cette femme est plus pieuse que Aïcha et que Hind et que Hafsa, que Safiya, que Juwayriya, que toutes celles-là? Sûrement pas. Zaynab et toutes celles-là ne portaient pas le voile quand elle était seule. Toutes celles-là ne portaient pas. comment se fait-il alors que celle-là se croit plus pieuse? Donc son mari est dans l'erreur. Elle doit lui dire, si tu veux que je mette le voile quand je suis seul, alors ramène-moi. Ramène-moi une preuve du Coran et de la Sunna, où il dit que une femme qui est seule, elle doit mettre le voile. Ensuite, dis-lui, elle doit lui dire pourquoi Allah Ta'ala dans Sourate An-Nur, il a cité les 8 personnes devant laquelle elle doit se voiler. Pourquoi Allah Ta'ala n'a pas cité les anges? Il a cité qu'elle devait se voiler, ou plutôt qu'elle pourrait ne pas se voiler devant son père, devant son mari, son fils, le fils de son mari, le mari de son père, les fils de sa sœur, les fils de ses frères et comme ça. Non. Pourquoi il n'y a pas les anges? Pourquoi il n'y a pas les anges? Et enfin, pour la personne qui a les djinns, etc., qui dit que, yani, est-ce qu'elle groupe avant ou après, quand elle est dans les crises? Je dis, cela dépend d'elle. Cela dépend d'elle. Si maintenant les crises sont vraiment difficiles, elle attend que les crises passent et elle groupe à la fin. Elle groupe dans la deuxième salat. Mais si elle se sent bien maintenant et qu'elle a peur que les crises vont commencer, elle groupe maintenant dans la première salat. Allah Azza wa Jal a'lam. Naam. نعم تفضل شيخ. Naam, tu m'entends, cher? Tu m'entends? Alhamdoulilah. Muslim, comment dirais-je? Je commence à me fatiguer, inshallah ta'ala. Je préfère m'arrêter, bi'idhnillah, subhanahu wa azawajal. Naam, sauf s'il y a vraiment une urgence ou là, quelque chose comme ça. Naam. Et, inshallah ta'ala, on va se rencontrer mercredi, bi'idhnillah, azawajal. Naam. Donc, بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته